il y a très très longtemps dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Bonsoir à tous. Et bienvenue au Mardi de l'espace organisé par le CNES et l'association Le Bar des Sciences. Et à moins que vous n'ayez été sur Mars durant ces 40 dernières années, vous avez dû reconnaître l'incipit le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Je vous rappelle que cette saga met en scène le combat, on a envie de dire, éternel entre le bien et le mal. Mais alors, chez Star Wars, c'est plutôt entre le côté lumineux et le côté obscur de la Force. C'est-à-dire entre les chevaliers et Jedi et les Sith incarnés par Luke Skywalker, Dark Vador. Le premier opus est sorti en 77. Ça a été d'emblée un succès extraordinaire puisque rien qu'en France, La Guerre des Étoiles a fait 6,4 millions d'entrées. Et en 1977, il se classe juste derrière Bernard et Bianca. Eh oui. Et quand même, Bernard et Bianca a fait mieux. Hein. Mais Disney était quand même beaucoup plus connu que George Lucas, l'auteur de la série à l'époque. Donc c'est quand même un coup de maître. Et au niveau mondial, il engrangera 775 millions de dollars de recettes avec un budget initial de 11,5 millions. Donc c'était un succès commercial terrible. Mais alors là où c'est fort, c'est que c'est aussi un succès critique. Parce que La Guerre des Étoiles a remporté 7 Oscars lors de la cérémonie de 1978. Meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur montage, meilleur effet visuel, meilleur son, c'est déjà pas mal, meilleur montage son, et puis évidemment, meilleure musique de film pour le générique de John Williams, dont on vient d'avoir une interprétation. On remarque au passage qu'il n'y a pas d'Oscar pour le meilleur scénario. Donc on voit quand même que d'emblée, Star Wars s'impose par l'univers technologique et graphique qu'il propose. Donc bon, la suite, vous la connaissez. Il y a six films qui vont suivre. L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones, La Revanche des Sith, Le Réveil de la Force. Deux autres sont en préparation pour 2017 et 2019. Et puis demain, c'est la sortie de Rogue One. Donc ce soir, sans rien retirer au mythe de toute façon immortel de Star Wars, il s'agit bien de ne pas bouder son plaisir en regardant les différents opus. Mais par contre, Star Wars est sans aucun doute, et nos invités vont nous le démontrer, l'occasion de parler de science. Et les thèmes que nous allons aborder ne manquent pas. Il y a quand même le véritable star de Star Wars, ça reste la Force, avec son côté lumineux, son côté obscur. Le sabre laser, le déplacement des vaisseaux, comme je l'ai évoqué. Et puis, pourquoi pas chercher aussi la planète Tatooine. Voilà. Donc, en fait, Star Wars, c'est quand même un prétexte parfait pour parler de science, de technologie, avec nos deux invités donc, qui vont se présenter, Elisa Cliquet et Roland Lehoucq. Alors Elisa. Bonsoir à tous. Merci d'être hyper nombreux déjà, parce que le bar est complètement blindé, donc ça fait plaisir. Donc moi, je travaille à la direction des lanceurs. J'ai travaillé pendant en gros 8 ans sur la propulsion du futur, la propulsion avancée, les choses sur lesquelles certains de mes collègues vont rigoler en disant « ah ah ah, c'est de la science-fiction, ça volera jamais, etc. » mais sur lesquelles on étudie quand même des concepts pour essayer de voir ce que ça pourrait donner pour des applications de voyage spatial. Alors, pour l'instant déjà, dans notre système solaire, c'est déjà pas mal. Et en fait, depuis 2 ans, je fais plus tellement ça. Maintenant, je travaille sur Ariane 5 et je fais du pilotage. Mais comme je suis toujours très passionnée par ces sujets-là, j'ai accepté l'invitation. Très bien, merci Elisa. Et Roland Lehoucq, on vous Alors, moi je suis astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Saclay, c'est dans l'Essonne. Et j'ai aussi une activité, disons, assez foisonnante d'enseignement et de diffusion des connaissances, notamment en utilisant la science-fiction comme prétexte pour parler de science. Alors Star Wars, bien sûr, mais aussi, vous citez un film et il est dans ma liste. Presque tous, pas tous, non, j'exagère un peu. Il y en a un certain nombre auxquels je me suis plu à essayer d'analyser la science qu'il y a dedans. Et surtout, plus intéressant encore, parce que très souvent, la science n'est pas très correctement traitée dans ces films, il faut bien le reconnaître, mais ce n'est pas tellement le but pour eux. Et puis, ce n'est pas le but pour moi de dire tout ça, c'est de la merde, parce que ça ne marche pas. C'est plutôt de faire des enquêtes scientifiques sur ce que l'on voit et essayer de déterminer des informations qui ne sont pas données dans le film. Par exemple, vous pouvez écouter avec une grande attention, on en reparlera tout à l'heure certainement, mais vous pouvez écouter avec une grande attention tous les DVD de Star Wars, les repasser 20 fois, et nulle part on entendrait explicitement la réponse de quelle est la puissance d'un sabre laser. Genre un Jedi qui dit « Tiens, je vais brancher mon sabre laser qui fait 3 mégawatts », personne dit ça. Donc si vous voulez savoir quelle est la puissance d'un sabre laser, il faut venir me voir. C'est une possibilité, sinon vous avez aussi, pour ceux qui sont plus scientifiques, il n'y a aucun problème, vous avez tout à fait les compétences, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences remarquables en sciences, il faut avoir quelques compétences en sciences, mais il n'y a pas besoin d'avoir des compétences remarquables pour mener ces petites enquêtes scientifiques et montrer comment, c'est ça qui m'intéresse, un cerveau scientifique essaie de répondre à des questions que j'appelle mal posées, où il y a juste la question, et puis démerdez-vous. Alors bah justement, on va peut-être commencer avec vous, Roland Lehoucq, sur la définition, parce que je ne crois pas qu'elle y figure non plus dans la saga, de la fameuse force. Alors en fait, il y a une définition de la force quand même qui est donnée par Obi-Wan Kenobi, puisque Skywalker, dans l'épisode 4, qui est historiquement le premier à être sorti, lui demande ce qu'est la force, et Obi-Wan Kenobi lui répond un truc, qui sait ça par cœur ? C'est un champ d'énergie qui nous entoure et nous pénètre. Donc, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. Voilà la définition de la force. Vous voyez, ça essaie d'être un peu sérieux. Ça utilise des mots techniques. Cette définition, il y a des mots techniques dedans. Il y a champ, qui n'est pas un champ de blé, hein, dans les cas. C'est un champ d'énergie. Donc ça fait une référence au champ électrique, au champ magnétique, au champ gravitationnel. La notion de champ physique est une notion extrêmement importante. Donc là, c'est un champ d'énergie. Il y a le mot énergie qui fait partie du champ lexical de la physique. Il y a galaxie, évidemment. Pour les astrophysiciens, c'est un mot important. C'est une collection, notre galaxie, c'est une collection d'à peu près 200 milliards d'étoiles qui sont liées entre elles, et du gaz et d'autres choses. Mais enfin, disons essentiellement à nos yeux, en lumière visible, c'est des étoiles et du gaz qui sont liées entre elles par leur propre gravitation. Et puis, il y a le mot « être vivant ». Bon, c'est pas un mot technique, mais ça fait référence à la biologie. Et donc, dans cette définition, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des mots scientifiques ou qui font référence à des sciences. Et on peut se demander, est-ce que cette phrase est scientifique ? On va pas passer du temps à ça ce soir, sinon vous allez devenir vert, parce que ça va devenir du français. Mais c'est ça aussi, la science, c'est pas que des équations, c'est aussi la langue dans laquelle vous exprimez votre pensée. Et cette langue, elle est importante parce que si vous mettez les mots dans le désordre, c'est pas parce que c'est des mots français que ça fera une phrase de français. Et c'est pas parce que vous mettez des mots dans le bon ordre, avec la bonne grammaire, les bonnes conjugaisons, que ça fait une phrase qui est pertinente scientifiquement. Et donc, cette phrase-là, elle est dans le bon ordre, elle est en français ou en traduction de l'anglais. Et c'est pas pour ça qu'elle est pertinente scientifiquement. Alors maintenant, on peut essayer comme de donner un sens à cette phrase et de dire la force avec cette définition-là, qu'est-ce que ça pourrait représenter ? Alors, si on fait référence à cette interaction qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie, qui est la gravitation, on parle de champ de pesanteur, donc on peut se dire, la gravitation, ils disent pas champ de pesanteur, ils disent pas c'est un champ de pesanteur, non, ils disent c'est un champ d'énergie. Alors, est-ce que la gravitation, c'est un champ de pesanteur ? C'est cette force qui nous tire vers le centre de la Terre, par exemple. Est-ce que c'est aussi un champ d'énergie ? Oui, il y a de l'énergie. On peut extraire, ou plutôt convertir de l'énergie gravitationnelle en énergie autre chose, par exemple électrique. On fait tomber l'eau du sommet des montagnes dans des tuyaux, et en arrivant en bas et mu par la gravité de la Terre, eh bien cette eau en mouvement rapide va faire tourner un alternateur qui va produire de l'électricité. Donc on va convertir de l'énergie gravitationnelle en énergie électrique. Donc il y a de l'énergie dans le champ de pesanteur. Donc on peut dire que c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, évidemment. Vous créez tout le monde ici, toute la matière vivante dans cette salle crée un champ de pesanteur. Pas qu'elle, évidemment, toute matière en général crée un champ de pesanteur. Et la plus gros bloc de matière dans le quartier, c'est quand même la terre qui est sous nos pieds. Donc notre champ de pesanteur, il est bien là. Il suit de la matière autour de nous aussi. Mais enfin, ça compte pas pour grand chose au regard de l'immensité de la masse de la terre et de son champ de pesanteur. Il nous entoure, nous pénètre, tout à fait. Il lit la galaxie toute entière, parfait. Donc en fait, on pourrait presque dire que la force, c'est la force de gravité. C'est la force de gravité. C'est la force de gravité. On se demande pourquoi on l'appellerait la force avec un grand F. Dire aussi qu'une force est un champ d'énergie, il y a l'implicite que force et énergie sont la même chose. Alors évidemment, pour le langage quotidien, force et énergie, quelqu'un qui est fort, il a l'énergie, il est puissant, il a la patate. Voilà, tous ces mots-là sont la patate. Évidemment, c'est moins du registre de la science. Enfin, si, de la biologie, mais bon, un peu. Champ, énergie, énergie, force et puissance, c'est des quasi-synonymes dans la vie quotidienne, alors qu'en physique, ce sont des concepts très distincts, qui sont connexes, hein, ils ont des rapports entre eux, mais ils sont quand même des définitions très distinctes. Donc on pourrait se demander, on pourra en discuter tout à l'heure aussi à propos du sabre laser, pourquoi la force s'appelle pas l'énergie d'abord, que l'énergie soit avec toi, ça serait pas mal. Et ensuite, c'est la gravité, la force sur la gravité, pourquoi elle s'appelle la force, bon. Et en même temps, on voit des manifestations dans le film qui ressemblent à les Jedi manipulent la gravité. Par exemple, quand Skywalker s'entraîne sur Dagobah, il soulève des coffres et des pierres. Quand un Jedi fait un combat avec un autre Jedi, il s'énerve un peu, il fait un petit geste de la main, puis il y a un truc qui se déplace comme ça. Il y a son sabre laser qui traîne loin là-bas, il fait un petit geste, et hop, le sabre laser vient vers lui. Tout ça, ça ressemble à... Je choisis la direction du champ de pesanteur et je le dirige vers moi. Le sabre laser tombe vers moi. Je le dirige horizontalement. Donc le machin qui est là, boum, il tombe là-bas. Et puis je choisis qu'il soit maintenant vertical sous l'objet, sous R2-D2, et hop, je soulève R2-D2. D'accord ? Donc on a des manifestations de la force dans Star Wars qui ressemblent étonnamment à... On ne sait pas comment ils font, mais les Jedi sont capables de manipuler le champ de pesanteur local. Évidemment, on ne sait pas comment il fait, sinon je serais prix Nobel et riche. Donc je ne sais pas comment ils font, mais ça ressemble à ça. Donc d'une certaine façon, on voit que la définition qui est donnée, même si elle n'a pas du tout un sens scientifique précis, si on demandait à un étudiant, question 1 du problème, définissez la pesanteur ou définissez le champ de gravité, s'il vous répond à la définition de Obi-Wan Kenobi, vous ne lui mettez pas zéro parce que vous êtes bienveillant avec les étudiants, il faut les motiver, mais vous ne lui mettez pas tous les points, il ne faut quand même pas déconner, c'est quand même pas très précis. S'il y a des étudiants, c'est noté. Donc la bienveillance du professeur dirait, bon, c'est une tentative sympa, j'ai reconnu Star Wars, donc je t'aime bien parce que tu as mis du Star Wars dans ta copie, tu auras la moitié des points, disons, voilà. Mais il ne peut pas avoir tous les points parce que c'est quand même pas très précis pour comme définition du champ de gravité, surtout qu'il met champ d'énergie pour définir une force, donc là on dit quand même... on peut discuter, mais voilà, c'est pas... On attendait une définition d'une force. Donc finalement, cette définition, voilà, elle est pas... on peut lui donner un sens... Elle n'est pas extraordinaire du point de vue de la science, mais on peut lui donner un sens. On voit la même chose hein, dans la vie quotidienne. Hein. Vous regarderez aller dans les, je sais pas, dans les parapharmacies, par exemple, ça regorge de définitions à la noix ou d'argumentaires à la noix pour vendre ce qui est dans les parapharmacies. Par exemple, voici un pot de crème qui contient des capsules de rétinol actif extraits de l'ADN végétal. C'est extrêmement bien. C'est 100 euros, c'est un peu cher, mais quand même. Vous avez compris que par la définition qu'on en a donnée, c'est un truc super. Et tous les mots qui sont dedans sont des mots techniques qui existent vraiment. Capsule, c'est un mot technique. Rétinol, c'est une molécule qui existe vraiment. Actif, ça a un sens très précis en chimie. Dire qu'un site est actif en chimie, ça a un sens très précis. Actif, végétal, ADN, enfin bref, c'est que des mots techniques enchaînés pour vous vendre, en gros, une mayonnaise d'ADN d'oignon. Voilà, c'est un peu ça. Pour les de l'ADN végétal. Il y a aussi une crème qui s'appelle antigravité. Il y a une crème, vas-y. Enfin, il y a un truc, sérum antigravité. Ah, il y a un sérum antigravité. Antigravité. Ça évite que... Vous avez compris l'idée, quoi. Hein. Bon, les jeunes de la salle ne s'en rendent pas trop compte, mais les plus anciens savent que on aimerait bien que l'antigravité existe par un plan habile. Donc voilà, il y a ces mots techniques dans, disons, le registre de la publicité, du pipotage généralisé, qui sont utilisés, des mots éventuellement de science pour faire sérieux, qui sont utilisés pour vendre bon, un truc qui n'a rien à voir avec les mots qui sont utilisés. Mais voilà, on est un peu dans le même registre, mais parfois on peut donner un sens. C'est-à-dire, le capsule de rétinol actif s'extrait d'ADN végétal, vous prenez de l'ADN d'oignon, vous le broyez, l'oignon, vous extrayez l'ADN d'oignon, vous sur Internet vous trouvez des manips niveau 3e, donc très facile à faire chez soi pour extraire l'ADN d'oignon, vous en faites, vous le mélangez dans une mayonnaise, ça fait une émulsion, et vous avez une espèce de crème que vous pouvez étaler sur la peau, ça sent l'huile d'olive et l'oignon, et c'est sympa. Voilà. Donc on peut donner un sens à cette phrase, c'est des capsules, nanana. On peut donner un sens, c'est pas le sens qui est visé par les publicitaires, mais on peut donner un sens. Donc voilà, c'est pour dire que méfions-nous, enfin, utiliser la langue. En science, c'est aussi important, la pression du langage, les phrases qu'on donne. Et parfois, on voit beaucoup, dans Star Wars y compris, quand le motivateur d'hyperpropulsion a clinché, qu'il faut tout redémarrer. Avec... Voilà, on a compris qu'on était dans un problème technique grave. Et aucun de ces mots n'a de sens, mais ça fait technique, ça fait les buzzwords, comme on dit en anglais. On a l'impression qu'on est dans une ambiance technique. Donc voilà, il y a toute cette ambiance-là dans la définition de la force. Et dans ces manifestations, on voit là une qui ressemble à quelque chose comme on manipule la gravité, mais il y en a d'autres. Il y a des éclairs, il y a plein d'autres trucs. Oui, oui, dans le côté obscur, ils ont tendance plutôt à envoyer des éclairs et à être dans le domaine électromagnétique, non ? Oui, oui, oui. Quand on voit l'empereur en train d'électriser Skywalker, on est plutôt dans le domaine de l'électrostatique et pas dans le domaine de la gravitation. Donc là, okay. On est une sorte d'incohérence interne. La force est à la fois les éclairs et à la fois voilà, de la gravitation. Alors, ils ont réussi la grande unification dont rêve la physique. Voilà, ils ont peut-être trouvé quelque chose de très subtil. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça ne serait pas très bien de l'appeler la force, mais plutôt l'énergie, parce que si vous avez de l'énergie et la machine qui permet de la convertir en autre chose, vous pouvez convertir de la gravité en électricité. Vous faites tomber de l'eau des montagnes, ça fait tourner un alternateur qui va charger une électrode en face d'une autre électrode. Et si elles sont séparées de la bonne distance et vous créez un champ électrique suffisant, vous faites un éclair. Donc, avec de la gravité, vous faites des éclairs, par exemple. Donc, c'est pas ce qu'on voit. L'empereur, il sort pas son merdier avec... Non, on est d'accord. Mais... C'est miniaturisé. Mais c'est ça. Ouais. Donc, il y a dans l'idée que la force, ça serait plutôt... Une sorte de réservoir d'énergie immense dans lequel les Jedi peuvent puiser à volonté, on ne sait pas comment ils font, on aimerait bien le savoir d'ailleurs. Ouais. Et avec ce grand réservoir d'énergie, ils font des trucs. Et par exemple, ils bricolent la gravité, ils bricolent le champ électrique, ils vous regardent et disent « dormez, je le veux » ou « non, ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez ». Puis le mec dit « oui, oui, très bien ». Ils font des tas de trucs sympas avec cet énorme réservoir d'énergie. Et pourquoi je dis énergie ? C'est parce qu'en physique, l'énergie, c'est l'acteur, c'est la quantité, c'est une mesure, on va dire même plus précisément, c'est une mesure de la capacité que vous avez à faire des transformations du monde. Si vous voulez casser cette table, il faut payer l'énergie. Si vous voulez fabriquer cette table, il faut payer l'énergie. Si vous voulez chauffer cette table, il faut payer l'énergie. Si vous voulez refroidir cette table, il faut payer l'énergie. Si vous voulez la déplacer, il faut payer l'énergie. Il faut faire tout ça à la fois, il faut payer l'énergie. Quoi que vous fassiez en physique, il faut payer l'énergie. Et donc, je verrai plus volontiers la force comme un champ d'énergie. Ça me paraît une très bonne définition initiale, avec la suite à discuter, dans lesquels ils piochent et ils font des trucs. Et les trucs, c'est des éclairs, pourquoi pas. Moi, je peux faire des éclairs avec de la gravité, il faut les machines adaptées. Ouais. Ils peuvent faire des éclairs, ils peuvent faire de la gravité, ils peuvent faire plein de trucs marrants. Le Jedi. On ne sait pas comment ils font. Très bien. L'autre point flagrant dans la saga Star Wars, c'est qu'on se balade de planète en planète à peu près aussi facilement qu'on prend le TGV. Alors, dites-moi, Elisa, comment ça se fait que pour l'instant, aller sur Mars, ça reste quand même un rêve et ça prend du temps, surtout si on veut y mettre des gens. Alors, on envoie déjà des droïdes sur Mars. Des droïdes, oui. Et qui, des droïdes, qui... des droïdes avec des lasers. Hein. Avec des lasers, oui. C'est pas mal. Oui. Mais on peut imaginer que les distances sont considérables puisqu'on se balade à l'échelle d'une galaxie. Alors, qu'est-ce que vous inspire les différents moyens de locomotion dans Star Wars? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ça m'inspire beaucoup de... Peut-être alors d'admiration, parce qu'ils ont sûrement compris des trucs qu'on n'a pas compris. Parce que clairement, nous, on ne sait pas faire du tout. Et effectivement, juste aujourd'hui, aller sur une autre planète, c'est déjà bien compliqué. Donc, ne serait-ce que pour envoyer des gens sur la Lune. Voilà. Bon, finalement, ce qui a été fait... Avec la mission Apollo, c'était quand même déjà quelque chose qui est colossal parce que toujours cette gravité qui nous enquiquine pas mal quand même sur Terre pour décoller. Et donc, il faut voir que la fusée qui a envoyé des hommes sur Mars, sur la Lune. Vous rêvez. Il est très tard. Scoop ce soir. Non, mais on n'a pas tout raconté à tout le monde. Hein. On a des X-Files. Ah bon. Voilà. Non, mais donc, cette fusée, elle faisait quand même plus de... Enfin... Elle faisait plus de 100 mètres de haut, plus de 1000 tonnes, beaucoup plus au décollage. Et c'était un truc que quand ça décollait, on le sentait vibrer jusqu'à 80 km à la ronde quand même. Oui. Donc la puissance qui était développée, l'énergie qu'il fallait mettre en œuvre, l'énergie qu'il faut mettre en œuvre justement pour envoyer des gens sur la Lune, c'est quelque chose que finalement, qui est colossal, parce que notre planète a une gravité importante et aussi, finalement, il faut voir qu'en termes de technologie, tout ce qu'ils ont développé là, on a fait des choses mieux, mais c'est de l'ordre de l'incrémental. Hein, les évolutions technologiques qu'il y a eu sur Saturn V, ce qu'il y a aujourd'hui sur Ariane 5, par exemple, c'est que de l'incrémental. Même ce que propose Elon Musk pour envoyer les gens sur Mars, bon, bah, en fait, c'est quelque chose qui coûte moins cher, l'objectif. Mais en termes de technologie, c'est pas tellement plus développé. C'est juste que c'est moins cher, parce qu'on a de nouveaux moyens de production. On va mettre le méthane, ça coûte moins cher que l'hydrogène, c'est plus facile, etc. Mais concrètement, il n'y a pas eu de révolution pour décoller. Voilà, pour décoller pour de décoller. La planète, il n'y a pas eu de révolution. Par contre, pour faire, une fois qu'on est dans l'espace, pour pouvoir se balader, là, il y a eu des révolutions. C'est quand même des recherches qu'on commençait dans les années 70, hein, donc c'est quand même pas très récent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la propulsion ionique, la propulsion électrique, la propulsion magnétoplasmique, la propulsion électrostatique, enfin en gros toute la gamme de propulsion où l'énergie qu'on utilise, c'est l'électricité, combinée quand même à un carburant, hein, qu'on va ioniser. Alors on n'appelle pas ça un carburant, on appelle ça un ergol. Donc qu'on va ioniser, puis qu'on va accélérer soit sous l'effet d'un champ électrique, soit sous l'effet d'un champ magnétique, soit sous l'effet combiné, hein, d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Ça va permettre en fait de mettre ce fluide à très très haute température et puis de l'accélérer à des vitesses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on fait avec de la propulsion chimique classique type le Vulcain d'Ariane 5. Et donc typiquement, on va éjecter ce plasma, on va l'éjecter peut-être 5 à 10 fois plus vite que ce qu'on savait faire avant sur la propulsion chimique classique. Alors par contre, il faut voir que ce truc-là, on n'arrivera jamais à décoller avec, parce que le problème, c'est que c'est pas capable de soulever son propre poids. D'accord. Parce qu'en fait, pour pouvoir générer ce plasma et l'accélérer, il faut de l'électricité. Et pour avoir de l'électricité, il faut une source de puissance. Donc aujourd'hui, la source de puissance qui est utilisée pour alimenter ces propulseurs, hein, qui marchent déjà en orbite. On va faire le Cocorico, les Européens, la sonde Smart One qui est partie en orbite. Alors on n'était pas non plus les premiers. Hein, les panneaux solaires, ça va nous fournir de l'électricité. Donc juste les panneaux solaires, faut savoir qu'il faut aussi des batteries avec, parce qu'on n'est pas toujours, ils sont pas toujours éclairés, les panneaux solaires. Donc il faut que j'emmène aussi des batteries, il faut que j'emmène des systèmes pour convertir l'énergie, l'électricité avec le niveau de tension et de courant qui m'intéresse pour mon propulseur. Et le propulseur lui-même, il pèse lourd, hein. C'est des matériaux métalliques ou céramiques. Et au final, tout ça, ça fait que c'est absolument incapable de souffler. Ça pousse quelques grammes, mais ça pèse plusieurs kilos. Donc concrètement, ça peut marcher vraiment que dans l'espace. Et alors le lien avec Star Wars, il est quand même assez sympa, parce qu'en fait, c'est le seul truc, c'est la seule propulsion qui existe aujourd'hui, qu'on retrouve directement dans Star Wars. Et alors, c'est la petite photo là sur la... Alors, c'est pas numéroté, mais en gros, c'est la quatrième page, je crois. Oui. Où on voit, donc en bas à gauche, on a un TIE Fighter. Et donc le TIE Fighter, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais TIE, T-I-E, c'est pour Twin Ion Engine. Et donc ce véhicule-là, il a... Donc les trucs noirs qu'on voit, en fait, c'est des panneaux solaires. Et il a deux petits propulseurs ioniques. Donc finalement, c'est le seul truc sur lequel j'ai trouvé vraiment un lien direct. Après, quand on regarde le vaisseau amiral, hein, du dessus, quand on regarde ce qu'il éjecte, on voit aussi que là, c'est probablement de la propulsion électrique. Et on trouve que le jet ressemble quand même pas mal au jet d'un propulseur plasmique. Donc là, en bas à droite, vous avez l'image d'un propulseur plasmique qui est fabriqué par Snecma, qui fait 5 kilowatts. Par contre, clairement, là, on ne voit pas dans le vaisseau amiral, on n'a pas l'info, hein, sur comment ils produisent l'énergie. On reviendra peut-être après sur cette question de comment on peut produire de l'énergie dans l'espace quand on est loin du Soleil. Voilà. Mais on est d'accord que pour l'instant, les pistes pour simplement sortir du système solaire restent l'apanage uniquement de Star Wars. Nous, on n'a pas encore trouvé. Faut juste pas être pressé. On sait sortir du système solaire. Il y a des sondes qui sont sorties ou on passe de sortir du système solaire. Oui. Mais elles mettent 50 ans, quoi. Voilà, elles mettent 50 ans. Voilà, donc c'est un peu long. Très bien. Et alors, Roland Le Houx, le fameux sabre laser, qu'est-ce qui vous inspire, le sabre laser, à part que d'abord, on n'a pas les spécifications? Alors, beaucoup d'envie d'abord, j'aimerais bien avoir le même, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est un objet qui est Enfin, tout le monde en veut un dans cette salle, je pense, sans exception. Les filles, les garçons, tout le monde en veut un, pratiquement. Donc on se dit, voilà, c'est un truc cool. Simplement, évidemment, c'est marqué du sceau de l'infamie scientifique, si j'ose dire. Ça ne fonctionne pas, et par quelques bouts qu'on le prenne. D'abord, si c'est un sabre, en anglais, ça s'appelle lightsaber, donc ça veut dire un sabre lumière, plutôt qu'un sabre laser, mais enfin bon. Ouais. Donc cet objet, il y a de la lumière qui sort d'un manche, et s'arrête à un moment donné. Bon, la lumière, elle s'arrête pas comme ça au milieu de rien. La lumière, elle va en ligne droite jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque chose qui la réfléchit, c'est un miroir, ou qui la réfracte, qui la diffracte, ou qui la diffuse. Donc il faut qu'elle rencontre, qu'elle change de milieu pour qu'il se passe quelque chose, et là, le truc s'arrête au milieu. Deuxièmement, ce sabre laser ou lumière, bon ben, les gars se battent avec et se tapent, ça fait comme des lames matérielles. D'ailleurs, ça fait tout un boucan d'enfer. Oui. Qui est plaisant à entendre, mais, oui. Mais la lumière, c'est pas quelque chose de matériel. Donc deux faisceaux lumineux peuvent se croiser sans se toucher, sans se gêner. C'est pas comme si on prend deux bâtons, évidemment, qui eux sont matériels et qui vont se gêner. Et puis, ce sabre, la lumière, elle semble dirigée dans un sens. Si c'est un sabre laser, les lasers, c'est de la lumière qui est produite d'une certaine façon, par amplification lumineuse. Mais à la fin, on sort avec une lumière qui est très monochromatique, c'est-à-dire qu'il y a. Quand la lumière est rouge, elle est rouge d'un seul rouge, pas de plein de rouges sur les côtés, si j'ose dire. Elle a une seule longueur d'onde, pour les puristes, elle est monochromatique. Et ensuite, elle est assez souvent, par la façon dont elle est produite, monodirectionnelle. En tout cas, pour les petits lasers qu'on a dans la main, les pointeurs laser, par exemple, et puis même les gros lasers. Pour les diodes laser, ça serait différent. Mais en tout cas, elle est assez monodirectionnelle, donc la lumière va dans une seule direction. Et quand la lumière va dans une seule direction... Si ce n'est pas celle de votre œil, cette direction, vous ne voyez pas la lumière. C'est-à-dire, c'est un truc tout bête, oui. Mais s'il y a un rayon lumineux qui vous passe comme ça, bah, vous ne le savez pas. Démonstration. Alors, pour ce petit faisceau laser-là, il pourrait y avoir une discussion qui est faite parce qu'il n'est pas très brillant, on ne le voit pas effectivement parce qu'il ne rentre pas dans votre œil. On voit le petit point là-haut parce que c'est diffusé par le plafond. Il faut déjà commencer par, on va dire, ah ben quand même, on va baisser toutes les lumières, on va se mettre dans le noir et voir s'il se passe quelque chose. Et effectivement, si on était dans le sombre, on pourrait peut-être le percevoir un peu à cause des poussières, par exemple, dans l'atmosphère, ou même de la diffusion sur les molécules atmosphériques qui fait que ça va, entre guillemets, matérialiser le faisceau. Ça va, au lieu que la lumière aille dans une direction, de temps en temps, il y a un peu de lumière qui part sur les côtés par diffusion, soit sur les poussières de l'atmosphère, soit si vous mettez de la poudre, de la farine, de la poudre de craie, ou soit la diffusion carrément sur les molécules atmosphériques, comme la diffusion qui fait que le ciel est bleu en plein jour. Et là, comme la lumière part sur le côté, ça matérialise le faisceau. En tout cas, c'est jamais de manière extraordinairement brillante, comme on le voit sur les sabres laser qui sont dans le film, où là, vraiment, c'est extrêmement lumineux. Encore moins dans l'espace, il n'y a pas de poussière. Oui. Alors, dans l'espace, on ne devrait pas du tout les voir dans le vide, mais ils se battent rarement dans le vide avec leurs sabres laser. Voilà. Par contre, ce qu'on voit comme lumière dans le vide, c'est le turbo laser de l'étoile de la mort qui, lui, devrait être complètement invisible pour un observateur extérieur, dans la mesure où le faisceau est dirigé dans une direction, vers la planète qui va écrabouiller, et là on devrait absolument rien voir. Voilà, parce qu'il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas d'air pour diffuser, il n'y a pas de poussière, il n'y a que dalle pour diffuser, donc ça va tout droit, et si ce n'est pas dans votre œil, vous ne le voyez pas. C'est aussi bête que ça. Donc le sabre laser, ça commence très mal, et ça finit mal aussi, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un sabre laser finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'objet. Dans leur main, ils ont un manche, j'appuie sur un bouton, puis ça sort de la lumière. Bon. Tout ça ne marche pas, mais admettons que ce soit un autre truc, que ce soit pas un sabre laser, c'est pour vous tromper. Et puis, avec ça, ils font des choses. Ils coupent des robots, ils butent leurs copains, ils se battent entre Jedi, ils font fondre des portes. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce manche de sabre laser, c'est une machine qui transforme la force, qu'on devrait appeler encore l'énergie, qui transforme cette énergie que les Jedi savent puiser, ils la transforment en lumière. Donc, ils ont dans la main une machine... Je ne sais pas comment elle fonctionne, qui transforme une forme d'énergie qui s'appelle la force et les Jedi en une autre forme d'énergie qui, chez tout le monde, s'appelle la lumière. Et puis avec ça, il y a beaucoup de lumière. La lumière, c'est de l'énergie, donc vous en mettez beaucoup, vous allez faire des choses. On peut faire de la découpe de métaux avec des lasers. Des métaux, il y a des plaques d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur qu'on sait découper avec des lasers. Donc bon, c'est de la lumière, c'est toujours de la lumière. Alors évidemment, il faut qu'elle soit focalisée, qu'elle ait la bonne intensité. Donc voilà, c'est pas parce que c'est de la lumière que c'est sans danger. Quand on dit les ondes, la lumière est une onde électromagnétique au même titre que le Wi-Fi, que les micro-ondes, que les rayons X. Ce qui est dangereux, c'est combien d'énergie vous recevez. Si je vous mets une heure sous une lampe à bronzer, vous recevez beaucoup d'énergie ultraviolette, c'est mauvais pour votre santé et votre peau. Vous allez être grillé. Voilà. Si je vous mets une heure au soleil, En plein midi solaire, pareil, pendant c'est de la lumière visible avec un peu d'ultraviolet. Donc ce qui va compter, c'est l'énergie que vous recevez, par exemple, sous forme lumineuse. Et donc ces lasers, on peut déterminer la puissance d'un sabre laser par une enquête habilement menée. Bien entendu. Voilà, mais ça, je laisse ça à la suite. Et donc, voilà, ouais. Ça veut dire que cet objet-là, on sait que c'est une machine. Ouais. Ils ont quelque chose qui est grand comme le micro, en gros, comme le manche. Ouais. C'est un manche, c'est grand comme le micro. Il y a un bouton, vous appuyez dessus, boum, il y a de la lumière qui sort. Il y a une énergie considérable, même plutôt une puissance considérable, qui est un débit d'énergie qui sort sous forme de lumière. Bon, hein, on oublie les détails. Et puis avec ça, ils font des trucs. Et comme il y a beaucoup d'énergie, même beaucoup de puissance, ils font des trucs. Il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous avez, c'est comme si pour les maisons. Si vous avez 1 million d'euros, probablement vous allez vous sentir bien déjà. Vous dites, vous pouvez regarder la vie un peu tranquille. Et vous dites, je devrais pouvoir construire une belle maison. Mais ça, c'est assez hypothétique. Parce que vous avez l'énergie, vous avez les euros, mais à quel rythme vous pouvez les sortir? Si ce 1 million d'euros vous vient d'une vieille tante qui connaît vos turpitudes financières et qui a décidé de vous léguer ce 1 million d'euros à la condition express que vous ne puissiez en dépenser que 10 par jour, vous ne ferez rien avec ce 1 million d'euros. Si, vous pourrez acheter une baguette de pain et une glace. Mais vous ne construirez pas de maison parce que vous n'avez pas le débit suffisant pour payer les ouvriers pour construire. Enfin, en France, en tout cas, à 10 euros par jour, personne ne vous construit une maison. Donc, il faut à la fois le stock d'énergie, les euros, et le débit d'énergie, qu'on appelle la puissance, et qui se chiffre en watts. Et ce débit d'énergie, c'est les euros par jour. Si vous pouvez lâcher par billet 10 000 euros tous les jours, vous allez faire des trucs. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, genre vous avez 10 000 euros, vous allez faire le flambeur un jour. Si vous avez 1 million d'euros, vous ferez le flambeur pendant plus qu'un jour. Et vous pourrez peut-être construire une maison, parce que pour 10 000 euros par jour, il y a des gens qui bosseront pour vous. Donc il faut l'énergie et la puissance. Et donc, tout à l'heure, je disais, si on veut briser cette table, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser cette table? Il faut de l'énergie pour la briser en deux. Ben, c'est pas compliqué, mettons qu'il faille 1 milliard de joules. L'unité d'énergie, c'est le joule. Bon, ben, je vais mettre un petit coup de doigt de 1 joule. C'est minable. Maintenant, je vais faire 1 milliard de coups de 1 joule. Comme ça. J'ai payé 1 milliard de joules. Et si j'en fais un par seconde comme ça, 1 milliard de joules à dépenser au rythme de 1 joule par seconde, ça veut dire de 1 watt, ça prend 1 milliard de secondes. C'est-à-dire 33 ans. Donc, on va pas faire l'expérience jusqu'au bout. Mais vous pouvez vous convaincre aisément qu'il ne va rien se passer en faisant ça. Et pourtant, si je suis assez patient, je vais délivrer 1 milliard de joules. Alors pourquoi ça casse pas la table? Pourtant, j'ai lâché 1 milliard de joules. Parce que j'ai lâché les joules lentement, au rythme de 1 par seconde, par exemple, et que lentement, ça veut rien dire lentement. Lentement par rapport à quoi? C'est quoi qui est plus rapide? Ben, ce qui est plus rapide, c'est le rythme auquel l'énergie que je dépose dans la table, à chaque petit coup, diffuse dans la table, se propage dans la table, diffuse sous forme de chaleur. Il y a un peu de chaleur déposée. Il y a des ondes qui font vibrer la table, qui font une onde sonore. Ceux qui sont près de moi peuvent entendre. Si vous entendez, on peut entendre le son qui se produit. Et donc cette énergie que je mets dans la table, elle part sous une autre forme. Elle est transformée en énergie mécanique, en énergie thermique, en son, en énergie acoustique. Et cette énergie se barre plus vite que je la mets dedans. Donc si je la mets pas assez vite, il ne se passera rien. Si maintenant le 1 milliard de joules, je le mets d'un coup, en une seconde, la table, elle est explosée. Allez-y, pourquoi? Le problème, c'est que je n'ai pas le 1 milliard de joules sous la main. 1 milliard de joules, c'est beaucoup. Tranquille, allez-y. Ouais, attends. Ah bon, vous pensez? Ah oui. Ah oui, non, ça marche plus maintenant. Donc voilà l'idée, la différence entre énergie et puissance. Il faut les deux à la fois pour faire des choses. Voilà. Donc le sabre laser, ils ont accès, les Jedi, je ne sais pas comment ils font, ils ont accès à un énorme réservoir d'énergie qui est la force. Ils bricolent, on ne sait pas comment, avec sabre laser, avec je ne sais pas comment ils font. Et ils transforment ça en autre chose, en lumière par exemple. Et il faut le faire au bon débit, au bon rythme pour faire des choses. Et donc du coup, il y a une façon intéressante de classifier les Jedi en fonction de leur capacité à extraire rapidement de l'énergie, de la force. Et les minables comme Skywalker, ils extraient peu. Et les balèzes comme l'Empereur, ils extraient beaucoup. Et donc ça, ça se chiffre aussi. On peut classer les Jedi par leur puissance. Très bien. Donc je laisse ça aux questions qui viendront plus tard. En 78, quand je sortais ma copine, on aimait tous les deux aller au cinéma. Mais les films de guerre, même spatiaux, ça la déprime. Du coup, j'ai vu 14 fois Bernard et Bianca. Merci. Alors avant de passer aux questions, on va juste aborder un dernier point sur le monde, les planètes dans Star Wars. Parce que là, pour le coup, quand la guerre des étoiles sort en 77, officiellement, le système solaire est toujours unique. Et il a 9 planètes, effectivement. Aujourd'hui, depuis 1995 et la découverte des premières exoplanètes, on sait que finalement, la plupart des étoiles sont dotées de planètes et on commence même à pas les voir distinctement, mais enfin en tout cas à se faire une idée de ce à quoi elles peuvent ressembler. Alors est-ce que dans ce domaine-là, Lucas avait été clairvoyant, Elisa ? Bah en fait, c'est plutôt Roland, hein, je pense qu'il peut répondre. Clairvoyant, en tout cas, sans avoir tous les chiffres en tête, statistiquement, ce serait quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'autres planètes, quoi. Enfin, quand on... Et pas d'autres planètes, enfin, on sait qu'il y en a, mais oui. Même à l'époque, oui. Je pense qu'on savait déjà qu'il y avait des planètes ailleurs que dans le système solaire. Et alors de la vie ailleurs que dans le système solaire, déjà, il y en a peut-être ailleurs dans le système solaire. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller au-delà de notre système solaire pour trouver de la vie, ça l'avenir nous le dira. Donc qu'il y ait statistiquement que quelque part ailleurs dans l'univers il y a de la vie, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être visionnaire pour penser ça. C'est un pari raisonnable, ouais, il n'a pas pris trop de risques là-dessus. Je sais pas si... Et puis de manière générale, la science-fiction, les planètes avec de la vie dessus, c'est la base de discussion. Sinon, c'est pas intéressant. S'il y a rien, on s'en fout, quoi. Dès qu'on a commencé à imaginer des êtres vivants, les imaginer là où on pouvait pas aller, sur la Lune, il y a eu des sélénites pendant longtemps, dans des histoires avec des sélénites. Et puis une fois qu'on a compris que la Lune, il y avait rien, on dit bon, bah, c'est pas grave, on fera aussi des martiens. Enfin, c'était même fait en parallèle. Et puis même tous les mondes, toutes les planètes du système solaire ont été dotées d'habitants pendant une époque. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'est pas si clair que ça. Peut-être qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre dans le système solaire, la réponse est loin d'être certaine, ou qu'il y a eu de la vie, c'est ce que cherchent les droïdes à laser sur Mars, mais pour l'instant, il y a de la vie que sur Terre, avec certitude. C'est comme le coup des planètes, et évidemment, on se doutait bien qu'il ne pouvait pas y avoir que les planètes du système solaire, il devait bien y en avoir d'autres autour d'autres étoiles, mais c'est une chose de penser qu'il peut y en avoir, et c'est une autre chose d'en avoir la certitude. Maintenant, c'est sûr, et on en connaît suffisamment pour commencer à avoir des statistiques et se dire que oui, effectivement, il y a beaucoup de planètes, probablement dans notre galaxie, probablement quelques planètes par étoile, quelques étant 3 ou 4 par étoile en moyenne. Et comme il y a 200 milliards d'étoiles, ça fait un gros paquet de planètes, probablement. Mais qui sont aussi d'une extraordinaire variété, qui ne ressemblent... On avait, avant d'observer ces exoplanètes, on avait un modèle de formation du système solaire qui rendait compte, ce scénario rendait compte du système solaire tel qu'on l'observe. Et puis il est mort instantanément dès qu'on a trouvé quelques systèmes solaires. Il a fallu le déblayer, mais direct, c'était juste tout faux. Donc, l'observation de ces systèmes exoplanétaires ont permis d'améliorer notre compréhension de la formation des systèmes planétaires et de la façon dont ils s'organisent. Donc là, dans ce point de vue-là, Lucas n'a pas été visionnaire, il a juste mis des planètes. La science-fiction a déjà mis des planètes, on se doutait, sans en avoir la certitude, qu'il y avait évidemment des planètes autour des étoiles, mais c'est toujours pareil, il y a quand même un pas à franchir entre l'intuition éduquée et puis la certitude d'observation. Et puis enfin, ces planètes, elles sont marrantes, mais pas très... elles sont assez... comment dire, archétypale pour faire chic. Ah. En fait, il y a la planète désert, il y a la planète l'enfer, il y a la planète avec les insectoïdes méchants qui font les sabres laser, enfin l'étoile de la mort, il y a la planète des arbres, il y a la planète des glaces, hein, vous voyez, c'est chiant, quoi. Ouais. C'est des planètes monotaches, quoi. On les reconnaît bien, au moins. Hein. Quand on voit une planète glace, on dit « Ah, ben, on est sur Hoth ». On voit la planète verte, on dit « Ah, ben, on est sur Kashyyyk ». On voit la planète des eaux, on dit « Ah, ben, on est sur Geonosis ». On sait où on est, quoi. C'est, on paume pas le spectateur. Donc ils ne cherchent pas vraiment à faire des planètes particulièrement compliquées, parce que les écosystèmes sont triviaux, c'est tout de la glace, tout de l'eau, tout des arbres, tout du désert, tout des cailloux, enfin oui, donc c'est des planètes assez faibles en fait, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde la Terre, une planète habitable avec des trucs qui grouillent dessus, même Mars est beaucoup plus riche alors qu'il ne se passe pas grand chose semble-t-il, peut-être qu'il y a de la vie ancienne qu'on ne voit plus, enfin qui n'est plus là, ou... de la vie encore, peut-être dans des poches d'eau souterraines, on n'en sait rien, mais en tout cas en surface, en gamma, c'est infiniment plus riche visuellement que n'importe quelle planète, même Pluton, les bras vous tombent de Pluton, et c'est pas une planète en même temps Pluton, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est des trucs, il y a plein de variétés qu'on ne trouve pas toujours à ce point, même sur une planète monotache comme Hoth qui serait que glacée, bah, c'est l'Himalaya. Pluton, wow, c'est pas que l'Himalaya. Quoi. C'est mais pour défendre un petit peu Lucas, par exemple, Tatooine, avec ses deux soleils, qui était une belle idée visuelle. Oui, oui, visuellement, c'est une très belle idée, mais ça, c'est pas nouveau non plus. Hein, la science-fiction littéraire avait déjà imaginé, il y a eu des œuvres de science-fiction avec des planètes à deux soleils. Il y a même une œuvre de science-fiction dont le titre m'échappe, Heliconia, de Brian Aldiss, où Heliconia est un monde qui a une orbite dans deux soleils qu'il fait passer très très loin des deux soleils, puis très très près des deux soleils, et le monde passe de glacé à froid, et avec une période très longue, de l'ordre de quelques centaines d'années, je ne sais plus, peut-être 1000 ans, et il y a deux espèces intelligentes qui se partagent la planète, en gros, pendant l'hiver, qui dure très longtemps, 400 ou 500 ans, il y a une espèce qui règne sur la planète, et puis qui se planque quand ça devient trop chaud, et c'est une autre espèce, voilà, c'est ça. Et il y a une autre espèce qui prend la relève pendant que l'autre hiberne, l'été, et elles échangent, elles possèdent la planète à deux espèces qui ne se croient jamais. Donc ces systèmes très curieux, là, pour le coup, très curieux, avec deux étoiles et tout, la science-fiction littéraire a fait ça bien avant Lucas. Hein, mais est-ce que les astronomes les ont observés ? Oui, on a trouvé des systèmes binaires, d'abord des systèmes à deux étoiles, à peu près les deux tiers des étoiles de notre galaxie sont dans des systèmes binaires. Donc ça, les systèmes binaires, il y en a. Et qu'il y ait des planètes dans les systèmes binaires, oui, on a aussi vu des planètes dans les systèmes à trois étoiles. À trois étoiles, donc il y a des, orbites stables, et c'est plus compliqué pour avoir une orbite stable, c'est pas trivial du tout. Il y a des orbites stables, on a vu des planètes avec orbites stables dans des systèmes à deux étoiles. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tatooine, c'est jouable, disons. Hein. C'est pas gagné, mais c'est jouable. Très bien. Bon, on va maintenant peut-être passer aux questions. Donc on va commencer en haut, mais que nos amis en bas ne s'inquiètent pas, on les oublie pas. Alors c'est pour madame, j'ai entendu parler d'un projet qui consiste à propulser un satellite avec un rayon laser qui permettrait d'aller à 4-5 années-lumière en une vingtaine d'années. J'y rêvais ou c'est un vrai projet développé là ? Alors, de la propulsion laser, il y a plein d'idées différentes et il y a plein de concepts différents. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser un laser pour faire de la propulsion. La première et la plus directe, c'est une technique d'ablation. Donc le laser va venir brûler, en fait, vaporiser de la matière qui, du coup, va être éjectée et donc va permettre au véhicule d'avancer. Donc ça, c'est la propulsion ablative par laser. Ça a été déjà testé au sol. Il y a des petites expériences. Je crois que c'était déjà dans les années 70, hein, un tout petit véhicule qui faisait à peu près 20 cm de diamètre, avec un petit laser par en dessous qui venait, alors là en l'occurrence, il venait plutôt chauffer l'air ça avait une petite forme de coquetier un peu inversé, et puis il venait aussi vaporiser un petit peu la surface, et donc ça permet comme ça, ils sont montés à 70 mètres, hein, c'était une petite expérience. Et puis il y a une autre façon d'utiliser le laser, c'est d'utiliser en fait la lumière, hein, finalement, que fait le laser sur des cellules photovoltaïques pour finalement convertir l'énergie du laser en électricité pour après utiliser cette électricité dans un propulseur électrique. Donc dans ces concepts-là, c'est plutôt avec des gros lasers depuis le sol. Donc bon, comme ça traverse l'atmosphère, etc. Enfin, on perd pas mal de qualité évidemment du laser, mais il y a des concepts comme ça. Et alors en l'occurrence, l'application qui verra le jour le plus tôt et qui est vraiment très sérieusement à l'étude, c'est plutôt pour faire de la désorbitation de débris. Et par ablation aussi, c'est-à-dire que là, on a plein de difficultés, hein, parce que liées aux débris spatiaux. Donc les orbites, il y a de la place, hein, dans l'espace, mais tout le monde veut être au même endroit quand même. Et donc finalement, aujourd'hui, ça devient un problème parce qu'on a un nombre d'objets en orbite qui est important et qui ne fait que augmenter suite à des collisions qui ont eu lieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on arrête d'envoyer des fusées, même si demain on arrêtait, on n'envoyait plus aucune fusée, le nombre d'objets dans l'espace continuerait à se multiplier. Voilà, par dégradation, par collision, etc. Et donc ça devient un problème parce que finalement... Le risque de collision devient important même pour une mission normale de lanceur, quoi. Du coup, on est en train de réfléchir à des solutions pour désorbiter, pour libérer un peu ces orbites. Et la difficulté, c'est qu'en fait, la plupart des objets qu'on voudrait désorbiter, ils ne sont pas coopératifs. Donc, les attraper, c'est compliqué. Ils n'ont pas de moyens de propulsion. Donc, il faudrait aller les chercher, leur mettre un propulseur, déjà réussir à les attraper. frapper, leur mettre un propulseur, les orienter et les rebasculer. Donc en fait, on étudie en ce moment une solution qui consiste finalement avec un laser à venir au bon endroit avec la bonne orientation, etc. À venir finalement vaporiser une partie du débris pour pouvoir lui fournir une énergie propulsive pour le désorbiter. Donc ça, c'est une application concrète qui pourrait voir le jour bientôt de propulsion laser. Pour l'exploration, là encore, il va falloir, si on veut effectivement faire de la propulsion qui va aller très loin, il faut que le laser il soit directement dans l'espace, quoi. Là, on ne peut plus faire ça depuis le sol. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait en orbite, dans l'espace, alors en orbite de quoi ? En tout cas, en orbite du Soleil, si on veut aller très loin, une source de puissance, donc je ne sais pas, moi, une ferme solaire, si on est près de la Terre, plein de réacteurs nucléaires, si on est trop loin, etc., pour générer de la puissance, pour pouvoir diriger ces lasers vers des petits satellites. Donc il y a des projets. Moi, j'ai aussi entendu parler de projets d'exploration comme ça, mais à partir de voiles solaires. Donc il y a pas mal d'idées, et c'est vrai que les laser étant utilisé pour pousser la voile ou c'est le soleil qui fait le boulot. C'est le soleil. Oui. C'est facile. Le projet auquel vous faisiez référence, c'est précisément un projet de voile solaire, mais sauf que on utilise la voile et on pousse la voile par un faisceau laser au sol. Mais dans le projet dont vous parlez, c'est le projet de ce milliardaire russe appelé Breakthrough Starshot. L'idée, c'est d'envoyer une sonde de quelques grammes avec une voile de quelques mètres carrés et de la pousser avec un laser de 100 gigawatts pour lui faire atteindre la vitesse de la lumière en une demi-heure à partir d'un laser au sol. Pas la vitesse de la lumière, la moitié de la vitesse de la lumière ou un dixième de la vitesse de la lumière en quelques heures. Et après, 40 ans pour arriver sur Alpha ou 50 ans pour arriver sur Alpha du Centaure. Donc ça pose des tas de problèmes. Il faut faire d'abord les lasers de 100 gigawatts. Au sol, qui avec des gros diamètres, qui vont éclairer votre sonde. Vous la ratez pas. Il faut la pousser une demi-heure, donc il faut ou une heure. Il faut donc la pousser suffisamment bien dans le faisceau sans l'exploser, parce que 100 gigawatts de puissance, faut pas vaporiser votre voile solaire. Il faut que ce soit un très bon réflecteur. Et puis la sonde, elle fait quelques grammes pour que ça se passe comme on dit. Et une fois qu'elle est arrivée auprès d'Alpha du Centaure, vous visez comment Alpha du Centaure, comment elle s'oriente, comment elle se met en orbite quand elle arrive très vite, puis comment elle vous envoie les photos. Il faut des antennes, il faut des trucs. Donc ce projet-là, il est rigolo. Le mec s'est fait de la pub pour pas très cher. Mais il est pensable, mais il ne donnera aucun retour scientifique. Même pas une jolie image avec un iPhone. Un iPhone, ça pèse plus que quelques grammes. On n'aura pas de photos, on n'aura pas les retours surtout. C'est tous ces gens qui pensent à aller loin, c'est bien. Mais il faut aussi ramener de l'information. À défaut de ramener l'équipage, au moins qu'on sache qu'ils soient arrivés et qu'ils aient des photos. L'équipage, on dit, bon, vous signez là, vous mourrez dans le voyage. Bon, voilà, les gars qui ont été sur la Lune, je pense qu'ils avaient une conscience assez claire qu'ils pouvaient bêtement mourir dans le voyage. Il se trouve qu'il n'y a pas eu de mort, mais avec Apollo 13, on n'est pas passé très loin. Et ils ont eu une chance, d'une certaine façon, assez inouïe. Dans les voyages lunaires, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu, c'est incroyable. Alors que dans les missions préparatoires Apollo, il y a eu des morts, quoi. Donc les gars, ils savaient qu'ils partaient, peut-être qu'ils mouraient. Donc bon, on en trouvera, et c'est pas vous et moi peut-être, ça sera des milliers, des gars qui disent « yes, oui, chef », ils y vont. Mais il faut ramener de l'information, c'est pas tout d'y aller, il faut aussi dire qu'on y est arrivé. Donc ce projet-là de Yuri Milner, voilà, Yuri Milner, ce milliardaire russe, ouais. Il est rigolo, il est scientifiquement, on peut le traiter, il est pensable, mais il pêche par bien des aspects qui sont pas clairs du tout. Voilà, par bien des aspects qui ne sont pas clairs du tout. Il se fait de la publicité à faible coût. Enfin, à 300 millions de dollars, c'est-à-dire. Hein, oui, il a déjà mis un peu de sous, je crois. Oui, 300 millions, mais bon, ouais. Il en a des milliards. 300 millions, oui. Il faut mieux les dépenser à des trucs plus malins, mais si ça fait progresser les lasers de puissance à vertu de propulsion spatiale ou de destruction, de désorbitation, pourquoi pas ? C'est pas forcément idiot, parce que son laser de 100 gigawatts, au lieu de viser des trucs, au lieu de viser des voiles solaires de 4 grammes, il va viser des petits débris ou des débris. Et peut-être servir à désorbiter, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, voilà. Pour l'instant, son projet, il est marrant, mais il y a plein d'étapes qui manquent pour qu'on ait vraiment un intérêt. C'est beau, c'est clinquant, mais il manque plein d'étapes, en fait. Il faut réaliser que c'est toujours très difficile. Hein. Aller vers les étoiles lointaines, et même la plus proche, qui est le Soleil, comme vous le savez, même aller vers le Soleil, c'est pas facile. Puis il fait chaud. Mais aller vers Alpha du Centaure, qui est à 4,4 années-lumière, c'est vraiment loin, mais vraiment loin. Hein. On parlait des sondes qui quittaient le système solaire. Ouais. En 50 ans, elles ont fait 100 fois la distance Terre-Soleil pour faire rond. On peut pas, ça pas 50 ans, en 40 ans, on va dire en 40 ans, elles ont fait 100 fois la distance Terre-Soleil. L'étoile la plus proche est à 272 000 fois la distance Terre-Soleil. Ça veut dire au rythme où va la sonde, il lui faut 80 000 ans pour arriver. Voilà, tout est 80 000 ans. Voilà, c'est tout est dit. Donc si on ne fait pas un gros effort, adieu quoi. Les étoiles proches, c'est loin. L'étoile proche, c'est vraiment loin. Voilà. On a parlé de débris de satellites tout à l'heure et de choses comme ça, débris spatiaux. Et ça me fait penser à... c'est pas Star Wars, là, c'est un autre film, désolé, que j'avais pas vu quand il est sorti et qui est passé récemment à la télé, où des astronautes se trouvent victimes de débris qui détruisent leur station. C'est Gravity, évidemment. Et j'avais entendu dire que c'était très beau comme image et très réaliste visuellement, et je suis d'accord là-dessus. Par contre, j'ai été catastrophé par la stupidité du scénario à beaucoup de points de vue. Alors je vais juste prendre un exemple, et je le prends comme exemple, comme simplement symbole du côté, comment dire, il manque un minimum de vraisemblance dans ce genre de film en général. À un moment, Sandra Bullock se retrouve avec Clooney, attachée à une espèce de sangle, et elle se prend le pied dans un cordage à côté de la station, et la sangle est tendue, ils sont chacun à un bout, et Clooney dit qu'il va se sacrifier pour lui permettre de revenir en se décrochant de la sangle. Je pense que s'il y avait une sélection pour des astronautes, j'avais plus de chance que lui, parce que je savais ce qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là, et qu'apparemment il ne savait pas. C'est-à-dire que puisqu'il est accroché au bout de la sangle, il est immobile par rapport au vaisseau, donc de toute façon, il ne risque plus rien. Il suffit qu'il tire un tout petit coup doucement sur la sangle, et il va revenir tout doucement vers le machin, il est sauvé, deux minutes. Alors, je reconnais que dans ce cas-là, il n'y a plus de film. Voilà. Donc, c'est un peu comme, c'est un peu comme Seul sur Mars, hein, et la tempête. Voilà. Et je ne fais pas la liste, mais j'en arrive maintenant à voir ce genre de film. Alors, le pire, c'était, je crois, Armageddon, que j'appelle Arnaquedon, pour le côté accumulation de bêtises. Mais je voudrais savoir ce que vous pensez d'un film comme Gravity. Alors, il va falloir qu'on revienne sur Star Wars à un moment, parce que quand même, les gens sont venus pour parler Star Wars. Mais sur Gravity, moi, je pense qu'un des gros avantages de Gravity pour le monde du spatial, c'est que ça a sensibilisé tout le monde aux débris spatiaux, qui sont un réel problème. Voilà. Et que l'ISS, enfin la Station Spatiale Internationale, elle fait régulièrement, alors je sais plus à quel intervalle, mais c'est quelque chose comme toutes les semaines, des manœuvres d'évitement de débris de taille plus ou moins grande. Alors, tous les débris qui font plus de 1 cm, ils sont répertoriés, il y a un catalogue qui est tenu à jour, etc. On peut les observer avec des radars depuis le sol, ce qui fait qu'on sait quand même où ils se situent, et donc il y a des alertes, il y a des systèmes qui permettent de détecter les risques de collision et d'avertir automatiquement les opérateurs de satellites, pas que la station spatiale, mais donc ça a sensibilisé au fait que les débris spatiaux, c'est un vrai problème. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas trop envie de critiquer Gravity, parce que ça a quand même bien sensibilisé les gens, le côté spectaculaire. Très bien, merci. C'est sûr que si on se livre à l'analyse scientifique de tous les films qu'on voit au cinéma, et particulièrement les films de science-fiction, bon, Gravity n'est pas un film de science-fiction en même temps, on va tomber sur des problèmes, évidemment, parce que le but du film, ça n'est pas de faire un documentaire scientifique ou de faire un truc scientifiquement correct. La science est contraignante, et elle est contraignante à un point qu'il y a des éléments de narration qui tombent directement si on en tient compte. Donc le coup de George Clooney, évidemment, c'est une mort assez stupide, il faut reconnaître. Mais si on veut faire disparaître le gars de manière un peu héroïque, et voilà, ben on fait comme ça. Alors, on peut s'offusquer de ça, évidemment. Si on est, si on comprend tous les tailles de science qu'il y a dedans, ben on peut trouver ça un peu gênant. Bon, en même temps, voilà, le gars il s'est sacrifié, tout va bien. Il y a bien d'autres trucs qui sont, qui pourraient être désagréables dans plein de films. Dans Gravity, il faut reconnaître que, à part une fois, je n'ai trouvé aucune erreur qui n'était pas nécessaire, rendue nécessaire par la narration. Ça veut dire, si vous corrigez l'erreur, alors vous changez le film, vous ne faites pas le film. Et il y a une seule fois, il y a une erreur qui pourrait être corrigée, qui ne changerait rien à la narration. Donc ça veut dire que ce ne sont que des erreurs, alors, qui sont obligatoires, si on veut que le scénario se passe comme ça. Et le scénario se passe comme ça, parce que le réalisateur ou le scénariste a dit, bah, ça va faire une bonne histoire. Et pour que ça fasse une bonne histoire, bah, évidemment, il va bricoler un peu avec la science. Star Wars, je ne vous parle pas. La diarrhée mentale dans Star Wars en termes de conneries scientifiques, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est-à-dire que, heureusement, ce n'est pas la qualité scientifique d'un film qui fait sa qualité cinématographique. prenons Star Wars, ça marche très bien, la science n'y est pas bien traitée, il n'y a pratiquement aucun élément de science correct dans ce qu'on peut voir dedans. Dans Gravity, la science est plutôt bien traitée et il y a des conneries qui sont, à part une, rendues nécessaires par la narration. Bon, c'est un film sympa. Vous prenez Prometheus, ce film est une sous-merde et la science y est très mal traitée et ce film est nul parce que la narration est nulle, parce que le scénario est nul, parce que le film n'est pas cohérent. Et comme c'est pas cohérent, c'est nul. Et puis vous regardez Harry Potter, là il y a même pas de science, c'est de la magie. Donc là, et on regarde Harry Potter, on se dit « Ouah, c'est cool !» Mais on s'en fout. Il y a un monde cohérent et c'est ça qui est suffisant. Il faut qu'il y ait une cohérence interne. Alors au prix, des fois, évidemment, si on fait une analyse dans le détail, évidemment, et puis je parle pas parce que vous dites George Clooney qui meurt comme ça, mais je vous dis pas. Le simple fait d'aller récupérer la fille avec son petit siège, puis de la ramener près de la station, puis de bricoler autour avant même qu'arrive la sangle, je vous dis pas le carnaval. Et quand la fille réussit à se sauver et à passer dans l'autre station et à ressortir, enfin je veux dire, il y a les étapes délirantes, c'est en permanence en fait. Simplement, si vous les mettez pas, la narration tombe. L'ambiance tombe, le film catastrophe, c'est plutôt un film catastrophe tombe, et donc vous ne faites pas le film. Et alors, il y a comme ça des films où la narration impose des conneries scientifiques, mais si c'est cohérent, si c'est bien fait, si c'est bien amené, s'il y a une cohérence globale, vous dites, bah, ça tient la route. Alors évidemment, l'analyse, ça ne résiste pas, évidemment, à l'analyse détaillée. Très bien, c'est évident. Merci. Donc, c'est en conclusion, le scénario d'abord, la science... Ah ben évidemment, dans un film ou dans une histoire de science-fiction, dans une histoire, c'est le scénario d'abord, la science ensuite. Et puis s'il y a de la bonne science dedans, il n'y a que de la bonne science... C'est bonus. Super, c'est un bonus. Mais On va repasser à Star Wars, puisque je crois qu'on a une question du rez-de-chaussée. Alors... Allô, le rez-de-chaussée. En bas, y a-t-il des questions ? Dit que il y avait beaucoup de questions en bas, donc je les attends. Je suis descendu pour vous donner la parole. Alors prenez-la. Bon, sinon on va prendre une question. Merci beaucoup. Ah. C'est bon, à vous. Oui. Alors moi j'ai une question, mais ça concerne pas vraiment Star Wars. C'est plutôt une série qui s'appelle Battlestar Galactica. Je sais pas si vous êtes connaisseur de cette série, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe dans l'espace. Et les vaisseaux spatiaux, dans cette série, en fait, pour se déplacer, donc au lieu de se déplacer à la vitesse de la lumière comme dans Star Wars, ils font des sauts dans l'espace-temps. Et j'aurais voulu savoir si ça, c'est quelque chose qui peut être envisageable ou si vraiment, c'est pas du tout possible de créer des... Bah, de sauter dans l'espace-temps et pouvoir, du coup, se déplacer vraiment de manière très facile d'un lieu à l'autre dans l'univers. Voilà, merci. Alors, dans Battlestar Galactica, effectivement, les vaisseaux font des sauts. Il n'y a pas que dans Battlestar Galactica, il y a dans la SF littéraire, il y a dans Star Trek, où les vaisseaux font des sauts. Alors, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que vous voulez aller d'un point à un autre de l'espace, de la planète Tatooine à la planète Alderaan, par exemple, et vous ne voulez pas passer trop de temps pour faire ça. C'est-à-dire, le but, c'est d'aller, comme on dit, vite d'un point à un autre. Mais remarquez que quand vous dites « je veux aller vite d'un point à un autre », vous utilisez un mot qui fait référence à la vitesse. Donc vous allez vouloir augmenter votre vitesse. Par exemple, vous voulez aller de Paris à Marseille vite. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est pas d'aller à Paris à Marseille vite. Vous voulez d'aller Paris à Marseille en un temps qui est court. Vous allez me dire « il se fout de ma gueule ». J'ai dit « non ». Vous voulez aller de Paris à Marseille en un temps qui est court et comme la durée... la durée pour aller de Paris à Marseille, c'est quelque chose comme la distance qui sépare Paris et Marseille divisée par la vitesse moyenne que vous allez avoir. Pour que ce rapport distance sur vitesse soit petit, comme la distance de Paris à Marseille, c'est 800 km et puis ben, ça ne changera pas. Si, vous pouvez passer par Bordeaux, mais là, vous évitez. Vous allez vite. Et donc, au lieu de dire « je veux aller vite à Marseille », dites « je veux y aller en un temps court ». En pratique, ça revient à aller vite. Mais, dans la vision d'Einstein de la gravitation, l'espace est une entité élastique déformable. Ce qui veut dire que pour aller vite, comme on dit, en un temps court d'un point à un autre, vous avez le choix d'augmenter votre vitesse ou de diminuer la distance. Vous allez me dire, il se fout de ma gueule. Non, vous pouvez diminuer la distance parce que la masse, ça c'est dans la... théorie dite de la relativité générale d'Einstein, qui rend compte de la gravité, comme une manifestation de la déformation de l'espace, ou de l'espace-temps plus exactement, imposée par la masse, par la distribution de matière. Si vous avez une concentration de masse à un endroit, par exemple la Terre, ça va contracter l'espace-temps, on va dire, autour de la Terre. Autour du Soleil, bien plus, parce qu'il est plus gros, autour d'un trou noir, ça le contracte au point que ce qui y tombe n'en ressort plus, y compris la lumière. Donc si vous avez un moyen de déformer l'espace, eh bien pour aller de Paris à Marseille, vous prenez Marseille avec la main, vous tirez Marseille à vous, vous faites un pas au rythme de 1 mètre par seconde et vous lâchez Marseille et vous êtes arrivé. Voilà. Avec Marseille, c'est pas facile parce que la Terre est un solide, indéformable ou pas facile à déformer, mais l'espace lui-même, l'espace vide entre les étoiles, entre les planètes, est une entité déformable par la présence de masse et cette déformation, on appelle ça la gravité. Et donc, si vous êtes capable de déformer l'espace, alors vous pouvez réduire la distance qui vous sépare de votre objectif et y aller en une vitesse toute bonarde. Et si vous ne pouvez pas réduire d'un coup de 50 années-lumière, vous commencez par réduire 10 km, et puis les 10 km suivants, et puis les 10 km suivants, que vous franchissez au rythme de 1 microseconde tous les 10 km, et ça vous fait une vitesse qui est bien supérieure, vue de loin, à la vitesse de la lumière. Vue de près, vous ne pouvez pas localement dépasser la vitesse de la lumière, mais vue de loin, on peut avoir l'impression que vous allez extrêmement vite, en particulier plus vite que la lumière. C'est une aberration, une sorte d'illusion, mais localement, votre vaisseau n'a jamais dépassé la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc voilà un peu comment pourraient fonctionner ces vaisseaux dits à saut, où on va déformer l'espace-temps, éventuellement se déplacer un peu vite, mais déformer l'espace-temps pour aller d'un point à un autre, pour réduire à chaque fois la distance, au lieu de la fois la course de 100 mètres, pour dépasser Usain Bolt, pareil, vous prenez la ligne d'arrivée, vous la tirez à vous, vous faites un pas et vous lâchez la ligne d'arrivée. Et vous êtes arrivé avant lui. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est pas facile à faire avec de la matière solide, évidemment. C'est pas ça qu'on fait avec de la matière solide, avec de la matière. Mais avec l'espace-temps, on peut imaginer faire ça. Simplement, ça nécessite de disposer de grandes quantités de matière dans des petits volumes. Ça veut dire d'être capable de manipuler quelque chose qui s'appelle un trou noir. De le manipuler. Ça veut dire vous l'avez, vous le bougez, vous le mettez devant, vous le mettez derrière, vous bricolez des trucs. Et donc voilà, c'est assez facile à faire pour les gars qui ont les moyens, mais c'est pas nous, voilà. Bon. Et c'est que surtout, ce qui est assez marrant, c'est que c'est compatible avec la physique actuelle. Il n'y a pas de physique extraterrestre, c'est pas magique. C'est compatible avec la vision einsteinienne de la gravité, qui est l'espace-temps. Cette déformation, c'est ce qu'on appelle la gravité. Il faut juste les outils, quoi. Voilà, il manque les outils, toute la boîte à outils pour le coup. Avec ta petite voile, tu vas sur Alpha du Centaure. C'est une drôle d'idée, n'est-ce pas? Que tu aies raison ou tort. Relon le hook, il s'inquiète de pas voir les photos. C'est cruel, mais ta petite tête, il s'en tamponne le dos du moment que t'as signé le contrat. Bravo. On va revenir à Star Wars avec une question ici à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors une question concernant la gravité. Donc dans Star Wars, les vaisseaux peuvent recréer artificiellement la gravité. Il y a aussi ce phénomène dans Seul sur Mars, où une partie du vaisseau permet d'avoir l'effet de pesanteur. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, c'est possible ? Alors, la gravité à bord d'un vaisseau ? Alors, déjà, pour la partie facile, créer de la gravité artificielle, c'est envisagé aussi pour les missions martiennes. Il suffit, en fait, de mettre en rotation une partie du vaisseau. Et finalement, c'est la force centrifuge qui va reproduire, qui va créer une force qui est comme une force de gravité. C'est pas de la gravité, mais ça, on reçoit une force qui est la même que celle qu'on recevrait sur Terre, ou en l'occurrence, on va plutôt viser une gravité intermédiaire plutôt proche de celle de Mars, ou en tout cas pour limiter les effets de la gravité sur le corps. Et donc c'est envisagé effectivement pour les voyages longs et typiquement une solution assez simple en fait qui a été imaginée pour des missions martiennes habitées avec un étage à propulsion chimique classique. Au lieu de le larguer en fait, on le larguerait, mais on garderait un fil accroché à lui, enfin un câble, on mettrait avec un petit système propulsif l'ensemble en rotation, l'étage vide faisant office un peu de contrepoids, et donc on peut mettre ce système en rotation pour reproduire, alors selon la longueur du câble, et la masse au bout du câble, on va pouvoir reproduire, par exemple, un tiers de G, qui est en gros la gravité qu'il y a sur Mars, quoi. Et on sait la gravité, on va dire, minimum qu'il faut pour un confort relatif. Alors ça, c'est une question de physiologie. C'est pas mon domaine, mais en tout cas, je sais que dans les études pour les missions Mars Inhabitée, voilà, on fait un tiers de G, ça suffit. C'est pas non plus indispensable. Après, c'est toutes les. Je vous invite au mardi de l'espace, le corps à l'épreuve des voyages spatiaux le 17 janvier, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et alors, par contre, modifier localement la gravité plus directement, antigravité, etc. Je ne sais pas si tu peux ajouter des trucs, Roland. Donc, effectivement, ça, c'est la gravité dans Sol sur Mars, où ils ont effectivement une espèce de roue de hamster, où ils sont sur la paroi latérale. Et comme disait Elisa, eh bien, la force centrifuge va mimer à l'intérieur l'effet de la pesanteur d'une pesanteur. Et donc, ça fera une manière de pesanteur artificielle. Dans les vaisseaux de Star Wars, les gars, ils marchent toujours tranquilles, alors que le vaisseau va plein pot, fait des accélérations dans tous les sens. Là, il faut un truc de fou. Ça veut dire, d'abord, il faut une gravité artificielle, alors que le vaisseau n'est pas en rotation. Donc, il faut un truc qui génère un champ de pesanteur, alors qu'il ne se passe rien d'autre que le truc qui est censé tourner. Et puis, en plus, le vaisseau fait des tas d'acrobaties délirantes. Et donc, à un moment donné, il faut quand même que la gravité, pour le passager à l'intérieur, soit toujours dans le même sens. Oui, en dépit du truc qui tourne dans tous les sens, qui donc va créer des accélérations à l'intérieur du vaisseau, accélérations qui, pour les passagers, seront ressentis comme des éléments de gravité. Quand vous êtes sur les montagnes russes, au moment où la montagne russe elle fait le redépart vers le haut, ben vous êtes écrabouillé dans votre siège et vous sentez une gravité apparente plus importante parce que, à cause de la forme de la piste, de la montagne russe, eh bien vous vous retrouvez écrasé devant votre chaise par une gravité, la gravité de la Terre et l'accélération qui est due à la forme qui est imposée finalement par la forme de la piste. Et les montagnes russes, elles n'arrêtent pas de jouer par des trajectoires subtiles, de vous envoyer des accélérations dans tous les sens qui viennent s'ajouter à la pesanteur, donc l'accélération de la pesanteur de la Terre. Et vous, votre corps, il part dans tous les sens, votre oreille interne en prend plein la gueule et vous ressortez en vomissant. Donc en hurlant. Typiquement pour ceux qui ne sont pas aguerris. Ceux qui vomissent, ouais. Ils ne peuvent pas aller faire spationaute. Hein. Non. Donc c'est ce jeu sur les accélérations dans tous les sens qui fait l'engin, la distraction. Dans le cas des vaisseaux de Star Wars, ils font ça plein pot, à des grandes vitesses, donc avec des grandes accélérations pour changer. Et donc du coup, c'est une catastrophe s'il n'y a pas un champ de pesanteur qui non seulement est artificiel, mais sans rotation, comme on le voit dans Sol sur Mars, un truc qui tourne tranquillement. Mais en plus, il faut que ça change constamment de direction pour s'adapter à la trajectoire du vaisseau. C'est pas juste un truc qui crée un champ de pesanteur, puis dans une direction, puis ça bouge pas, puis tout va bien. Ce qui est déjà totalement en dehors de nos moyens techniques et de la façon dont on pourrait faire ce truc-là. On sait même pas faire ça, l'antigravité. Et deuxièmement, si on sait faire ça, il faut en plus le faire qui s'adapte en permanence aux accélérations que subit le vaisseau dû à sa trajectoire curieuse parce qu'il est poursuivi par un Star Destroyer, quoi. Voilà. Très bien, merci. Donc c'est pas facile pour Star Wars. Donc Star Wars, ils s'en mettent pas, les mecs marchent normalement dans le studio et tout va bien, quoi. Oui. Sinon, on n'en sort plus. Oui, c'est ça. Sinon, on n'en sort plus. D'ailleurs, dans les premiers Star Trek, c'est assez rigolo. Dans les premiers Star Trek, quand on voulait faire des mouvements qui bougent beaucoup, c'est-à-dire quand il y a un truc qui vibre, le vaisseau prend un pain terrible et bam, tout le monde doit bouger comme ça. Et en particulier, la caméra doit bouger. Ils n'avaient même pas les moyens. Il faut voir ça, c'est génial. Donc on voit la séquence du film, le mec bouge dans tous les sens, c'est-à-dire tous les sens de l'Enterprise, le Kirk, tout ça, il bouge dans tous les sens, comme ça, et avec la caméra qui bouge aussi, ça donne l'impression de, voilà, il s'est passé un truc fort, quoi. Et il y a des gamins qui se sont amusés à prendre cette image-là et la stabiliser. Maintenant, on a des systèmes stabilisateurs d'image. Votre caméra, là, à la main, si vous filmez comme ça, ça bouge tout le temps. Dedans, il y a des stabilisateurs d'image qui fait que même quand vous tenez à la main, l'image a l'air propre, quoi. Il y a des trucs professionnels, mais il y a des trucs pour, disons, amateurs qui se passent bien. Mais ils ont fait ça, ils ont stabilisé l'image. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils simulent par le mouvement des acteurs, c'est à mourir de rire. Les mecs sont comme ça, on les voit, ils font des gestes à la con, et qui vont, sont à la con parce que l'image est stabilisée, et quand elle n'est pas stabilisée, ça se passe bien. Donc pour dire que dans ces vaisseaux-là, ils font ce qu'ils veulent pour que ça fasse l'ambiance, et évidemment, il faudrait de la gravité artificielle pour que ça se passe bien, on ne sait pas faire autrement qu'en rotation. Et voilà, donc pour l'instant, ça c'est en dehors de nos moyens techniques, hein, clairement. Mais par contre, on peut retourner le truc et dire, ah, c'est marrant, comment ils ont fait ça dans le studio. Très, très bien, merci, bravo pour les contorsions sur le fauteuil. Je raconte ça pour le rez-de-chaussée. Et donc, on a une question au rez-de-chaussée. Merci, du coup, bonsoir. J'avais une question sur les modes de propulsion. En fait, j'avais vu qu'au LHC, on arrivait à créer des particules d'antimatière pendant une courte fraction de seconde. Et je voulais savoir si c'était possible de combiner ça à un mode de poussée plus tard pour pourquoi pas faire une propulsion rapide. Ouais, alors en gros, et puis Roland il rentrera après peut-être plus dans le détail, il y a principalement deux moyens qui sont envisagés pour utiliser l'annihilation matière-antimatière comme moyen de propulsion. Il y a déjà, enfin, effectivement, de faire cette réaction matière-antimatière. Alors après, il faut réussir à la produire, la stocker, l'emmener dans l'espace, etc., la stocker suffisamment longtemps, à un coût raisonnable, etc. Ça, je laisserai peut-être Roland donner un peu des idées là-dessus, quoi. Et puis, un autre... Quand la matière va agir avec l'antimatière, elle va libérer une quantité importante d'énergie. Et donc, on peut utiliser aussi cette énergie pour aider à déclencher une réaction de fission. Et donc là, ça, c'est en gros de la propulsion par fission. Alors, je ne sais plus quel est le terme exact, mais en gros, bah, qui est du coup activé par une réaction, enfin une annihilation matière-antimatière. Et donc après, bah, on va chauffer grâce au produit de fission un fluide, voire on va éjecter carrément le produit de fission. Et là, on peut retomber un peu schématiquement sur des propulseurs de type propulsion nucléaire thermique ou propulsion nucléaire électrique, quoi. On a un autre moyen d'obtenir de l'énergie sous forme de chaleur. C'est un peu un starter, en fait. Voilà, ça peut être un starter d'une réaction de fission, et ça peut aussi être utilisé plus directement. Alors effectivement, au LHC, on produit plein de choses, dont de l'antimatière. Mais enfin, le but étant pas de produire de l'antimatière, c'était de produire des particules bizarres, plein de trucs bizarres. Je vais passer les détails. Effectivement, l'antimatière, si on la mélange avec de la matière, ça transforme toute la masse présente, matière plus antimatière, en énergie, intégralement en énergie. Et donc, c'est un rendement de 100%. Vous avez 100% de votre masse qui est transformée en énergie. Alors que, par exemple, si vous faites de la chimie, si vous mélangez de l'hydrogène et du dioxygène, comme on le fait dans les moteurs de fusée un peu chic actuellement, vous transformez à peu près un milliardième de la masse en énergie. Et déjà, quand ça ne marche pas, ça vous pète à la gueule, hein. Donc, ça veut dire, un milliardième, ça a l'air pas beaucoup, mais ça s'appelle une explosion chimique. Donc en faisant ça, en récupérant seulement un milliardième de l'énergie de masse, en gros, on arrive à avoir des vitesses d'éjection qui sont de l'ordre de 10 km par seconde. C'est la vitesse d'éjection de la matière chauffée, ça dégage de l'énergie, cette réaction dégage de l'énergie, elle est donnée au produit, alors qu'en CH2 et O2, ça fait de l'eau. Et puis c'est éjecté, parce que c'est chaud, avec une tuyère appropriée, toute une techno très chiadée, c'est envoyé, éjecté dans une direction, et par réaction, ça propulse la fusée. Et la vitesse d'éjection, 10 km par seconde. Alors tout à l'heure, Elisa parlait de propulsion électrique. Cette fois-ci, parce qu'on accélère des particules chargées, on va pouvoir atteindre des vitesses d'éjection qui sont de l'ordre de 100, peut-être 1000 km par seconde. Donc des vitesses d'éjection beaucoup plus grandes, mais avec des débits de matière, les kilogrammes éjectés par seconde, qui dans le cas d'une fusée Saturne V, ça se chiffre en tonnes par seconde, alors que dans le cas d'une propulsion ionique standard, c'est des milligrammes par seconde. Donc au final, vous vous retrouvez avec une propulsion, il n'y a pas beaucoup de matière éjectée, mais très vite. Mais vous pouvez allumer, éteindre, bon, c'est l'avantage de la propulsion électrique. Pour faire l'électricité, il faut une source d'énergie, par exemple de l'énergie nucléaire. Et quand on utilise l'énergie nucléaire de fission ou de fusion, on va récupérer en gros quelques dixièmes de millième, jusqu'à un millième de l'énergie de masse. En gros, c'est 200 ordres de grand dollar, on va dire de l'ordre du millième de l'énergie de masse. Et en faisant ça, les vitesses d'éjection peuvent être assez considérables, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Si vous êtes capable d'injecter l'énergie, de récupérer un millième de l'énergie de masse d'un objet, vous allez avoir des vitesses d'éjection très grandes, mais ce n'est pas facile à faire parce que vous éjectez pas beaucoup de matière quand même en même temps. Ça ne sera pas facile à faire parce qu'il faut un réacteur nucléaire dans l'espace. Alors je vous laisse réfléchir à ça, si vous avez envie ou pas, ou dans quelles conditions vous auriez envie ou pas de ça. Mais il faut un réacteur nucléaire dans l'espace et il faut qu'il soit capable de durer longtemps, adapté à l'espace, etc. Donc c'est pas simple à faire techniquement, il y a des vrais problèmes, même si ça a été envisagé dans les années 60, 70, les Russes, les Américains avaient des réacteurs nucléaires, des projets de réacteurs nucléaires spatiaux. Vas-y, alors, je reviens sur l'antimatière dans un instant. Non, non, c'est juste que des réacteurs nucléaires dans l'espace, en fait, il y en a 50 au-dessus de vos têtes, alors il y en a peut-être qui sont déjà retombés, mais il y en a 50 au-dessus de vos têtes. Il y a des petits réacteurs depuis... Ah non, ils sont pas à fission, non, non, non. Si, ils sont à fission, mais si, qu'est-ce que je dis ? Ils sont à fission, ils sont pas à fusion. Ils sont pas à fission. Ils sont à fission. Non, il y a des réacteurs. Non, il y a 50, il y en a une cinquantaine, des Buk et un Topaz qu'on volait. Donc c'est les Russes qui ont envoyé ça dans les années dans les années fin 70, début 80. Donc en fait, à l'époque, les panneaux solaires, c'était pas encore bien développé. Et donc, si je voulais fournir quelques kilowatts à un satellite en orbite, c'était une solution possible. Donc des petits cœurs d'uranium qui ont été envoyés dans les années 70-80. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils ont arrêté d'envoyer parce qu'il y en a un qui est retombé sur le Groenland. Et donc qui a fait un petit peu de pollution radioactive. Et du coup, ils se sont dit bon, on va s'arrêter là. Après, bien sûr, enfin, c'est des solutions qui sont encore étudiées parce que le soleil, le flux solaire autour de la Terre, c'est 1300 watts par mètre carré. Quand on arrive à Jupiter, c'est plus que 50. Quand on arrive à Pluton, c'est moins de 1. Donc le soleil c'est bien, mais c'est bien quand on est proche de la Terre, c'est bien en gros jusqu'à Mars, et au-delà on arrive encore, mais si on veut avoir des puissances significatives, et typiquement si on veut avoir sur des systèmes à propulsion électrique des débits suffisants, il nous faut de la puissance. Et donc cette puissance, aujourd'hui, en gros, si on dépasse le mégawatt et si on dépasse Mars, on n'a pas de solution à part des réacteurs nucléaires. Et donc il y a des études, hein, et bon, au CNES, on en a fait en partenariat avec le CEA. C'est resté à l'état de projet papier. Par contre, c'est vrai que sur la partie conversion d'énergie, on a un petit projet de faire une démonstration. C'est dans un cadre européen. Mais donc il y a vraiment cette possibilité là. Pour fournir de la puissance à des propulseurs électriques quand le soleil ne suffit plus. Et bon, pour revenir après un peu là-dessus, si ça vous intéresse, mais revenons à la matière-antimatière. Oui, donc je disais, on était matière fission-fusion, on va récupérer un millième de l'énergie de masse, et pour la matière-antimatière, on va récupérer 100% de l'énergie de masse. Donc là, la vitesse d'éjection, elle est très grande. En pratique, pour des raisons sur lesquelles je passe, on ne va pas pouvoir récupérer 100%, on va récupérer plutôt 60%. Et 60%, ça fait des vitesses d'éjection qui sont de l'ordre de 90% de la vitesse de la lumière. Donc là, ça commence à être un peu du sérieux du point de vue de vitesse d'éjection. Vous éjectez 1 kg à 90% de vitesse de la lumière, je peux vous dire, ça va vous pousser quand même. Hein. Donc, on aimerait bien avoir de l'antimatière, effectivement. Simplement, l'antimatière, elle n'existe pas à l'état naturel, il faut la produire. Le CERN et les accélérateurs de particules en général ne sont pas prévus pour faire des usines en antimatière, mais tout ce qu'ils ont produit, c'est l'intégrale de tout ce qu'ils ont produit depuis qu'ils existent, c'est peut-être quelques microgrammes, quelques millionièmes de grammes d'antimatière. Ça permet de faire des petites choses, mais pour aller vers Mars, il faudrait plutôt des grammes. Pour aller vers Mars, c'est un peu tonique, hein. Vers Mars, genre en un jour ou deux, il faut plutôt quelques grammes d'antimatière. Et puis, si vous voulez maintenant aller vers d'autres étoiles, alors là, ça peut commencer à être des kilogrammes ou des dizaines de kilogrammes d'antimatière pour propulser des choses qui vont faire quelques tonnes à la fin. La charge utile finale sera peut-être quelques tonnes. Et donc, il faut la produire, cette antimatière, avant. D'accord ? C'est comme l'hydrogène. On dit, bientôt, l'hydrogène, l'énergie du futur. Non. L'hydrogène, ça n'existe pas à l'état naturel. Ça existe à l'état naturel, mais on le produit. Donc, il faut d'abord payer l'énergie pour produire l'hydrogène que vous stockez, et vous le mettez dans votre carburant de voiture, et vous roulez avec. Donc, d'abord, on paye pour faire l'hydrogène, l'énergie qu'il faut pour le faire, et après on récupère l'énergie qu'on a payée, et pas totalement, il y a une perte en ligne, mais on paye pour stocker l'énergie électrique sous forme d'hydrogène par exemple, et on récupère l'énergie chimique du hydrogène sous forme d'énergie de mouvement de la voiture. Donc le hydrogène n'est pas une source d'énergie comme on se plaît à le dire, c'est un vecteur d'énergie, c'est un moyen de stocker de l'énergie électrique par exemple sous forme d'énergie chimique dans le hydrogène, ça pourrait être dans le méthane, ça pourrait être dans d'autres trucs, et après vous récupérez l'énergie chimique pour faire quelque chose, propulser votre voiture, par exemple. L'antimatière, c'est pareil. Elle n'existe pas à l'état naturel. Vous voulez un kilogramme d'antimatière, d'abord, vous commencez par payer l'énergie qu'il faut pour produire un kilogramme d'antimatière. Vous commencez par payer ça. Je rappelle que 1 gramme d'antimatière, c'est une énergie de matière, ou d'antimatière, ce sera pareil, c'est une énergie de masse qui est équivalente à l'énergie dégagée par l'explosion d'Hiroshima. Donc, pour un kilogramme, d'abord, vous payez 1000 fois Hiroshima. En énergie, pas forcément d'un coup comme une explosion, c'est pas le point, mais déjà vous payez cette énergie-là et vous avez un kilogramme d'antimatière. Et on a produit, depuis qu'on fait des accélérateurs, plutôt le millionième de gramme. Donc pour le kilogramme, vous voyez, il y a encore des efforts à fournir. Et puis quand vous avez payé ce backsheet énergétique, il faut stocker cette antimatière, pas dans une boîte de matière évidemment. Parce que sinon, elle va réagir avec la boîte et la boîte disparaît, vous pète à la gueule comme 1000 fois Hiroshima si c'est un kilogramme. Donc vous le faites pas. Donc il faut une boîte qui contient l'antimatière, mais qui n'est pas une boîte de matière. Ben, qu'à cela ne tienne, ça s'appelle un champ magnétique. Donc vous faites une boîte magnétique, vous réfléchissez bien, et ça n'est rien de trivial pour que ça soit confiné de façon stable et pérenne. Parce que s'il y a un peu d'antimatière qui sort, ben, ça vous pète à la gueule, quoi. C'est aussi brutal que ça. Mais vraiment, là, pour le coup, c'est pas un petit machin dans les coins, c'est beaucoup. Donc, si vous savez faire cette boîte, alors après, vous piochez dans l'antimatière et vous le mettez avec de la matière dans votre réacteur et vous pouvez vous propulser. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut d'abord payer, c'est-à-dire toute l'énergie nécessaire pour aller vers l'étoile proche. Il faut d'abord la payer dans la production d'antimatière, stocker, ce qui coûte de l'énergie aussi, parce que le champ magnétique, il faut le payer, il faut énergétiquement le payer. C'est pas facile. Ça veut dire, c'est pensable. C'est pas pour dire que c'est impossible. On est dans le rythme du pensable difficile, qui en pratique est pas pour tout de suite. Mais c'est du pensable. C'est pas impossible. Genre, vous violez une loi de la physique. Donc, auquel cas, on discute même pas. On dit non, non, ça marche pas. Aller plus vite que la lumière, ah, non, non, sûrement pas. Par contre, pour propulser antimatière, on peut discuter, mais c'est pas facile. Voilà. Et si on sait le faire, va voom, quoi. Là, je peux vous dire, là, c'est la classe. Dans Avatar, le vaisseau Venture Star qui va vers Alpha du Centaure dans Avatar, qui va autour de du monde Pandora d'Alpha du Centaure. Enfin, on peut faire toute une analyse du vaisseau. Ce vaisseau est propulsé à l'antimatière. Il n'y a pas d'autre choix. Ils sont très très forts dans Venture Star, dans Avatar. Vavavoom, on a une question. Ah oui, c'est Vavavoom l'antimatière, je peux vous dire. Bonsoir. Dans Star Wars, Han Solo tente de traverser un champ d'astéroïdes et C-3PO lui révèle que ses chances de le traverser intactes sont plutôt minimes. Il me semble qu'il y a un champ d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qu'on a traversé plusieurs fois avec des vaisseaux. Est-ce qu'on a couru les mêmes risques que le Faucon Millenium ? Quelle bonne question. Absolument aucun risque. Et le Faucon Millenium, d'ailleurs, ne devrait courir à peu près aucun risque. En fait, ça dépend d'une chose. C'est comme... si vous voulez dire, ça dépend de trois choses. Imaginons que vous voulez faire un jeu idiot qui consiste sur un quai de métro à tamponner le maximum de monde. Vous avez le droit. En ce moment, il ne faut pas déconner avec ça. Mais imaginez que vous voulez faire ça avec vos copains. Voilà, si vous êtes copain, vous allez louer un quai de métro pour faire la bringue. Et le jeu, c'est tamponner vous, votre objectif, avec les autres joueurs, c'est tamponner le maximum de joueurs. Bon, d'abord, il ne faut pas que vous soyez tout seul. D'accord ? Il faut qu'il y ait du monde autour de vous. Et donc, dans la zone de jeu, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, premièrement, la densité de cible. Deuxièmement, si vous ne bougez pas, eh ben, vous toucherez personne. Donc, vous allez bouger. Ou, et plus exactement, avoir une vitesse relative par rapport aux autres joueurs. Et troisièmement, si vous étendez les bras comme ça, plutôt que de garder contre vous, vous aurez ce qu'on appelle en fait une section efficace plus large. Donc, vous allez essayer de vous élargir. Alors, comme vous ne pouvez pas grossir en deux minutes, vous allez tendre les bras ou sortir, ouvrir la portière dans les jeux, là... on peut latter les piétons, vous ouvrez la portière. Ça augmente votre... Il y a un jeu comme ça, j'ai pas rêvé, comment il s'appelle ? Dites-moi les jeunes. Ah voilà, Grand Theft Auto, voilà. J'ai pas rêvé, ça existe, hein ? Bon, il y en a qui ont joué, manifestement. Moi, je sais que ça existe, mais j'ai pas joué. Et donc, il faut donc trois choses, de la vitesse, de la densité de particules autour de vous et de la section efficace. Alors, le vaisseau Faucon Millenium, il a une taille. Bon, bah, il peut pas jouer, il a sa taille, donc sa section efficace. Plutôt que d'avancer comme ça, il peut avancer comme ça. Vous voyez, comme il est un peu plat, il n'est pas obligé d'avancer perpendiculairement à sa grande dimension. Donc, il avance naturellement dans sa petite épaisseur. Bon. Deuxièmement, il rentre dans un champ d'astéroïdes. Si c'est un champ d'astéroïdes comme celui qui est entre Mars et Jupiter, il faut réfléchir quand même qu'il n'en croise pas un sans l'avoir vu, mais essentiellement, il passe comme ça. Parce que la densité est très faible. Si maintenant, il commence à avoir beaucoup de cailloux par kilomètre cube, ou par millions de kilomètres cubes, il faut faire attention. Et puis ensuite, ça dépend de sa vitesse. S'il va super lentement, il a le temps de les voir, et puis les collisions ne sont pas très importantes. Donc ça va dépendre de ces trois paramètres-là, la vitesse relative par rapport au caillou, combien de cailloux par unité de volume, et sa section efficace, donc sa section géométrique pour lui, en gros, sa section géométrique. Donc il se peut que ça soit dangereux, s'il y a beaucoup de cailloux partout, il se peut que ce soit pas dangereux. S'il n'y a pas de gros cailloux, mais plein de petites poussières minables très denses, il y en a partout, vous allez lentement, ça va, mais si vous allez vite, quand vous allez vite... Une petite poussière, ça a beaucoup d'énergie cinétique par rapport à vous. Dans votre référentiel, c'est la poussière qui arrive vite. Et une poussière qui arrive vite, ça peut faire un impact important. Hein. Si vous voulez dégommer un tank, vous pouvez utiliser un obus. Ça, c'est la technique standard. Si vous aviez un camembert à 100 km par seconde, je pense que ça va passer à travers le tank aussi. D'accord ? Et c'est un camembert. Pourtant, un camembert, ça va, quoi. C'est sympathique, puis c'est mou. Eh bien, si vous l'envoyez assez vite, parce que ça aura assez d'énergie cinétique, ça va quand même faire un effet sur le tank. Donc... L'idée est la suivante, il faut S'il y a de la poussière partout, vous pouvez prendre plein de particules qui vous arrivent et le rythme auquel vous les prenez va abîmer votre vaisseau et du coup, c'est pas bien. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de votre vitesse, du nombre de particules et de leur taille. Si vous prenez un seul gros caillou, c'est emmerdant. Une seule particule, ouais, bon, ça va. Une seule petite poussière, ça va. Donc, ça va dépendre de tout ça. En fait, ça va dépendre de la... du débit de masse que vous allez prendre en moyenne et qui dépend de votre vitesse relative, de la taille des particules, de votre taille à vous et de la densité des particules. Ça se calcule et on pourrait vérifier si c'est dangereux. Tel que c'est représenté, on voit des cailloux absolument partout et le Faucon Millenium a l'impression qu'il y a un caillou tous les Faucons Millenium, quoi. Donc là, ça veut dire, c'est comme dans une pièce, chaque fois que vous tendez le bras, vous touchez quelqu'un. Donc là, ça va être très difficile de se déplacer dans cette pièce sans toucher personne. Et puis ici, donc, vous tendez le bras et puis il n'y a personne autour de vous, essentiellement, vous êtes tranquille, quoi. Enfin, vous n'allez pas avoir de collision. Donc il faut regarder ça. Le rapport entre la taille, la distance entre cailloux et puis la taille du Faucon Millenium et après sa vitesse relative. Très bien, Battel, le Faucon Millenium, je vais me faufiler par là-bas. En fait, j'avais une question. En fait, dans le X-Wing Starfighter, le vaisseau orange et blanc, et bah, à un moment, il fait, les ailes elles se déplient et ça fait un X. Et ça sert à quoi en fait? À quoi ça sert que le X-Wing il soit en X? Alors, voilà. Non, alors ça peut aider pour le pilotage parce qu'on peut imaginer que en gros ils peuvent faire de la poussée différentielle, donc ils peuvent adapter la poussée. Donc ils ont 4 moteurs, hein, hein, ou on va dire hein, qu'ils en ont 4, un au bout de chaque branche du X. Et donc si elles sont toutes sur le même axe, je vais seulement pouvoir faire un mouvement en lacet. En gros, enfin si alors. Ceux d'en bas vont pas voir, mais en gros, par exemple un avion, il a ses ailes là, comme ça. Ça, c'est le mouvement en lacet, d'accord? Donc si et puis si je veux faire du mouvement en tangage, c'est comme ça, d'accord? Et donc ouais, on va faire un avion un peu plus joli, mais bon, toujours est-il qu'en gros, si mon moyen de faire un couple en fait, de faire de la poussée différentielle. Donc si j'ai mes propulseurs, ils sont là, je vais en faire un qui pousse plus que l'autre, d'accord? Donc je vais pouvoir faire un mouvement comme ça. Voilà, sauf que... Et comment je fais si je veux faire un mouvement comme ça? Je peux pas, d'accord? Parce que eux, ils sont sur le même plan, en fait, que mon plan de lacet. Donc je peux lui faire faire que du lacet. Si je veux lui faire faire du tangage, eh ben il faut aussi que j'ai un moyen de faire un couple dans l'autre sens. Et donc c'est pour ça qu'en fait, là, le... Bah voilà. Mais il manque les petits propulseurs. Mais donc en gros, si le X-Wing, c'était pas un X, eh ben je serais obligée... Enfin, disons que si je veux faire ce mouvement-là, bah, il faut aussi que je puisse faire passer la poussée... par le centre de gravité dans l'orientation qui m'arrange pour pouvoir finalement faire un mouvement dans le sens qui va bien. Donc s'il a juste 2 moteurs sur le côté comme ça, sur le même, enfin dans le même plan, bah, il peut agir que dans un plan, tandis qu'en fait en décalant ses moteurs, en les mettant dans différents plans, il peut donner des mouvements à son avion, enfin à son véhicule dans différents plans. Comme il n'y a pas d'air, pour changer de direction, il faut pousser dans la direction dans laquelle on veut aller, il faut faire une poussée. Dans un avion, on s'en fout, il pousse au cul et puis il change avec ses ailes. Ce sont ses ailes qui se déforment. Et il joue sur la forme des ailes pour changer de direction. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de flot aérodynamique autour des ailes qui impose une force qui fait tenir l'avion. Donc l'avion dans l'air, on le pousse au cul, on change la forme des ailes et puis c'est marre. Dans l'espace, on pousse au cul, on va tout droit. Voilà. Vous voulez tourner ? Eh bien, il faut un truc qui vous pousse... d'un côté et pas de l'autre, comme les chenilles des chars se bloquent d'un côté pour faire tourner, bloquent d'un côté, l'autre chenille tourne et ça fait tourner du côté de la chenille qui est bloquée. Donc là, vous devez avoir une poussée à droite, une poussée à gauche, une poussée en haut, une poussée en... Bref, il faut avoir, comme disait Elisa, une poussée différentielle, de sorte que vous puissiez vous orienter. Donc le X-Wing, ça pourrait être cette configuration pour avoir cette poussée différentielle plus pratique. Sinon, vous allez tout droit. Et vous voulez tourner, ben vous pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas d'air. Et parce que vous n'avez pas d'aile pour appuyer sur l'air, parce qu'il n'y a pas d'air dans le vide. C'est vide. Très bien, merci. Est-ce que j'ai une autre question? Alors, j'en ai 2. Là, je vais aller au fond. En ce qui concerne la propulsion, bon, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de science dans Star Wars, en fait, est-ce qu'on a déjà expliqué comment se déplaçait l'étoile de la mort? Je pense notamment à l'épisode 4, quand elle passe de Alderaan jusqu'à Yavin 4. Enfin, oui, voilà, Yavin 4. Sachant que ces deux planètes ne sont pas dans le même système. Même si c'était dans le même système. Eh oui, oui. Eh bien, on ne sait pas comment se déplace l'étoile de la mort. Et tout à l'heure, on parlait de propulsion par déformation de l'espace-temps. Peut-être l'étoile de la mort se déplace comme ça. Elle n'a pas de réacteur, elle n'a rien. Peut-être qu'elle a un moyen de déformer l'espace-temps, on ne sait pas comment, et puis ça lui permet de se déplacer. Mais elle n'a pas de propulseur, semble-t-il, l'étoile de la mort. Non. Mais elle a un gros turbo laser. Oui, voilà, et c'est moi, c'est la question que je voulais vous poser par rapport au fameux rayon de la mort. Est-ce que vous avez fait des estimations sur la puissance qu'il faudrait pour détruire une planète entière avec un faisceau laser? Est-ce que c'est... Alors, avec un faisceau laser, j'en sais rien. En tout cas, on peut estimer quelle énergie il faut pour casser un objet, n'importe lequel. C'est l'énergie de liaison de l'objet. Ça s'appelle l'énergie de liaison de l'objet. Si c'est, par exemple, cette table que vous cassez en deux morceaux, cette table ne survivra pas à la soirée. Si vous la cassez en deux morceaux, eh bien, il y a une sorte de plan de coupe. Eh bien, il y avait plein de molécules qui étaient face à face avant que ça soit cassé en deux. Eh bien, elles avaient une certaine... Chaque molécule était liée à sa copine en face, avec une certaine énergie de liaison pour chaque molécule. Il y a plein de molécules qui ont été cassées. Ben, vous multipliez l'énergie de liaison entre deux molécules par plein de molécules, ça vous dit combien il faut payer. Bon, en pratique, foutez un coup de latte dedans, puis ça marche. Maintenant, pour la Terre, ça se calcule. Si vous voulez détruire une planète comme la Terre, elle est sphérique. Ce qui lui donne sa forme sphérique, c'est sa propre gravité. Donc, la Terre, son énergie de liaison, c'est son énergie qu'on appelle énergie de liaison gravitationnelle. Ça se calcule, c'est proportionnel au carré de la masse divisé par le rayon de la planète. Pour la Terre, c'est beaucoup. Ça fait, je ne sais plus la valeur, mais genre 10 puissance 32 joules. Donc, vous donnez 10 puissance 32 joules. Voilà. Le Soleil, il rayonne 10 puissance 32 joules en à peu près 1 million de secondes. Ça veut dire en à peu près 10 jours. Donc, vous prenez 10 jours de tout le rayonnement du Soleil, tout le rayonnement de tout le Soleil. Vous en faites un gros tas. Vous le mettez dans la Terre et il n'y a plus la Terre. Voilà, vous avez donné à la Terre une énergie supérieure ou égale à son énergie de liaison. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la matière de la Terre va rentrer en expansion à une vitesse que l'on peut déterminer, qui est de l'ordre de la vitesse de libération de la Terre. Vous avez juste annulé son énergie totale, vous avez compensé son énergie de liaison gravitationnelle par ce que vous avez pris au Soleil, par exemple, à 10 millions, enfin 1 million de secondes à 10 jours du Soleil. Et la Terre va rentrer en expansion à une dizaine de kilomètres par seconde, parce que c'est sa vitesse de libération, à peu près, une dizaine de kilomètres par seconde. Alors maintenant, vous êtes Dark Vador, Alderaan, on va dire que ça ressemble à la Terre, vous regardez Alderaan, vous dire, bon, bousillez-moi, c'est minable, vous appuyez sur le bouton, bzzzt, le turbo laser arrive, je passe des détails techniques, le turbo laser, c'est un peu curieux. S'il y a des opticiens dans la salle, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font le turbo laser. Là, il y a une image dans le petit document que vous avez, page je ne sais pas combien. On voit le turbo laser là, de l'étoile de la mort. Il y a une configuration optique qui est quand même avant-dernière page. Ah voilà, merci. Bon, si vous savez faire ça dans le vide, vous venez me voir, quoi. Je n'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, ce turbo laser arrive, il donne beaucoup d'énergie à la planète Alderaan. On va dire c'est la Terre. Et à l'Alderaan, est-ce qu'elle rentre comme ça à 10 km par seconde? 10 km par seconde, la Terre, c'est 6400 km de rayon. Si elle rentre en expansion à 10 km par seconde, elle va doubler son rayon en 640 secondes. Ça veut dire à peu près 11 minutes. Un peu plus de 10 et moins de 11 minutes. Je récapitule, Dark Vador, bousillez-moi, c'est minable. Et puis sur le bouton, boum, ça arrive. Et 10 minutes plus tard, la planète a doublé de taille. On commence à voir que c'est passé un truc, quoi. La planète a doublé de taille 10 minutes plus tard. C'est absolument pas ce qu'on voit dans le film. Ce qu'on voit dans le film, c'est bousillez-moi, c'est minable. Et puis sur le bouton, ça arrive. Boum. Et en quelques secondes, il n'y a plus de planète. Il faut 2 ou 3 secondes pour que la planète soit complètement vaporisée. Ça veut dire que non seulement il a fallu payer l'énergie de liaison de la planète Alderaan, gravitationnelle, mais l'énergie cinétique de l'explosion. Ça veut dire l'énergie de mouvement de toute la matière qui est en mouvement. À quelle vitesse? Alors voilà, comment on fait? Vous regardez le DVD, image par image, et vous regardez comment ça progresse. Vous faites une hypothèse sur la taille d'Alderaan, par exemple 6400 km, comme le rayon de la Terre. Et vous regardez quand est-ce que ça a à peu près doublé de rayon. Et vous pouvez vous convaincre assez facilement que la vitesse d'expansion, c'est plutôt 10 000 km par seconde. Mettons entre 8 et 10 000, mais mettons 10 000 pour faire des chiffres ronds. Ça veut dire que la vitesse d'expansion est donc 1000 fois plus grande que la vitesse qu'on mettrait naturellement en mettant juste l'énergie de liaison. 1000 fois plus grande. Et comme l'énergie de mouvement, elle dépend comme le carré de la vitesse, ça veut dire que vous allez payer 1000 au carré fois plus d'énergie que l'énergie de liaison gravitationnelle. Au bilan, c'est pas 10 jours de soleil, c'est 10 millions de jours de soleil. Ou 10 millions de soleil, ou 1 million, ou 10 millions de soleil pendant, bah excusez-moi, 1000 au carré ça fait 1 million, 1 million de soleil pendant 10 jours. Ça veut dire que la machine qui est dans l'étoile de la mort, elle a une capacité de production d'énergie, si elle tire un coup, si j'ose dire, tous les 10 jours, c'est pas beaucoup pour l'étoile de la mort, mais quand même, c'est effrayant. Eh bien, on se retrouve dans une situation où l'étoile de la mort doit avoir à l'intérieur une machine qui produit l'énergie de quelques centaines de milliers à un million de soleils dans un machin qui est gros comme un astéroïde, qui fait 450 km de taille. Je rappelle que la taille du soleil, c'est 700 000 km de rayon. Donc on en arrive à la conclusion que la machine qui est dans l'étoile de la mort, elle est assez classe. On ne sait pas comment ils font, quoi. Voilà. Ils ont une capacité, ils ont une source d'énergie très compacte qui peut produire beaucoup plus d'énergie qu'une étoile, qu'une grosse étoile. Un million de luminosité solaire, c'est quelque chose comme une étoile qui doit faire une trentaine de masses solaires, quelque chose comme ça. Donc c'est une énorme étoile. Et cette étoile, l'équivalent de cette étoile comme puissance, elle est là pendant 10 jours. Elle accumule l'énergie, la puissance qu'elle rayonne plutôt pendant 10 jours. Ça fait un gros tas d'énergie. Paf, on lâche d'un coup sur la planète, ça y est, on a gagné. C'est pas facile, l'étoile de la mort, quoi. C'est vraiment pas facile à faire, quoi. Je parle même pas de l'optique géométrique qui est là, quoi, mais bon. Je dois faire une boîte, petite boîte, qui contienne mille Hiroshima. Mon problème, c'est que j'ai les mains moites, les mains moites, les mains moites. Mais Roland, il a confiance en moi. Va, va, voum, il m'a dit que ça fera. Mais moi-même, un seul Hiroshima, j'ai du mal à imaginer ça. Donc, à nouveau une question, allez-y. Bonsoir. Vous venez de parler de l'étoile de la mort, mais du coup, dans l'épisode 7, on a une autre super arme qui avale carrément un soleil et qui après tire. Et d'ailleurs, on peut voir les tirs depuis une autre planète, loin dans la galaxie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est une tentative de répondre à d'où vient l'énergie l'étoile de la mort. Mais comme je viens de le dire, il faut déjà, pour l'étoile de la mort, il faut déjà un gros machin, bien plus qu'une étoile comme le soleil. Et là, l'étoile qu'ils ont prend dans le Starkiller, c'est je sais pas quoi, mais c'est comme c'est pas 30 masses solaires, elle serait toute bleue sinon, et même beaucoup en ultraviolet, on la verrait même pas à l'œil nu, enfin beaucoup moins bien à l'œil nu qu'on ne voit dans le film. Et là, elle est un peu comme le Soleil, cette étoile. Ils peuvent bouffer le Soleil s'ils veulent, ça va pas changer le problème, quoi. C'est pas la bonne échelle. Et puis après, ils envoient leur truc et ils bousillent une planète là-bas loin, mais ça peut pas être instantané, quoi. La lumière se propage à la vitesse de la lumière, c'est beaucoup, mais il faut une année-lumière par an, quoi, la vitesse de la lumière. C'est une année-lumière par an. Donc, si le truc est à une année-lumière, bah, il faut un an pour que ça arrive. Donc, les gars, ils ont le temps de voir arriver le faisceau lumineux. Si on les appuie sur le bouton, bah, les gars disent, ils ont appuyé sur le bouton, bah, le faisceau il est parti. L'information, ils ont appuyé sur le bouton, elle est juste derrière en radio à la vitesse de la lumière. Donc, elle ne le rattrapera pas. Donc, c'est foutu. Une fois que vous avez tiré à la lumière, personne ne peut vous rattraper. Hein. Donc, il suffit qu'ils tirent et qu'ils attendent. Et les mecs s'en prennent plein la tronche. Rappelez aussi que la planète qui vise, elle doit avoir un mouvement autour de son étoile. Je vous dis pas la visée, quoi. Bon, bref, c'est... Les lasers s'écartent, en plus. Oui, en plus, ils s'écartent. Bah, c'est normal, ça, c'est normal, mais ça s'écarte beaucoup à la fin. Hein. Les lasers, c'est assez directif. Par exemple, un laser officiel, si je veux dire un petit pointeur laser, la divergence est de l'ordre du milliradian. C'est pas beaucoup, c'est un très petit angle, millième de radian, mais en même temps, sur une très, très grande distance, ça finit par faire des tailles gigantesques, et donc à diluer l'énergie, le flux d'énergie est très dilué. Donc, Starkiller, ils ont voulu faire plus gros, plus fort, mais ils ont juste fait... Enfin, bon... Voilà, ça m'a pas convaincu, Starkiller. Je préfère l'étoile de la mort, franchement. Dans la gamme, on n'y croit pas. Mais quel engin d'enfer. Je préfère l'étoile de la mort. Alors que l'autre, on n'y croit pas. On se dit, oh, attends, les gars, il y a un soleil. L'étoile de la mort, c'était bien plus fort. C'était plusieurs soleils. Bon, étoile de la mort 1, plusieurs Starkiller 0. Bonjour, je reviens à la discussion de tout à l'heure là, sur Mars. En fait, une question simple, qu'est-ce qui nous empêche actuellement d'aller sur Mars en fait? Et je précise un peu ma question. Est-ce que d'un point de vue scientifique, ça serait intéressant d'aller voir Mars déjà, juste la voir et puis revenir sans forcément aller sur Mars? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Mais donc pour répondre à la première, qu'est-ce qui nous en empêche C'est d'abord les sous, hein, en fait, et puis la volonté politique. Enfin, donc, en fait, tout ça, ça va ensemble. Peut-être d'abord la volonté politique, après les sous, je sais pas. Bon, ceux qui ont les sous et qui ont envie, ils essayent, hein, Elon Musk. Ils essayent. Ils se vendent beaucoup là-dessus, mais en tout cas, ils affichent cette volonté, plus que de nombreux politiques, hein, d'ailleurs. Et en gros, on pourrait... Enfin, il y a... J'ai beaucoup de choses à dire sur la question, donc j'essaye de faire le tri. En gros, on pourrait y aller avec de la propulsion chimique qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait y aller... Non, alors en termes de durée, c'est pas forcément un problème. Enfin, en gros, on subit les cycles de la Terre, de Mars, qui tournent ensemble autour du Soleil, etc. Donc, on a deux options en termes de durée, si la question de la durée vous intéresse. On a deux options. La première, c'est une trajectoire qu'on va appeler de type conjonction. Donc, on va partir à un moment où la Terre est derrière Mars et essaie de la rattraper. Ça, on va mettre à peu près 6 mois à y aller. Et après, en fait, une fois qu'on est là-bas, donc, le début de la mission, c'est pareil. Après, on a le choix, en fait. Soit on repart au bout de 1 mois à 2 mois. Et là, par contre, il va falloir aller rattraper la Terre, et donc on va mettre 11 mois à rentrer. Soit on attend 1 an et demi, que les planètes elles, se réalignent bien, et on va mettre de nouveau 6 mois à revenir. Donc en gros, une mission vers Mars avec une propulsion classique, où on va juste pousser un coup au départ pour se mettre sur une orbite autour du Soleil, et puis pousser un coup à l'arrivée pour freiner, se mettre en orbite autour de Mars, puis pareil au retour. En gros, c'est soit 2 ans et demi, soit 1 an et demi. Voilà, mais en gros, le problème de la mission en 1 an et demi, c'est qu'on a que 2 mois, on a que 2 mois sur place. Mais concrètement, c'est faisable avec la propulsion chimique actuelle. Il n'y a pas de blocage technologique, si ce n'est que il faut envoyer une masse énorme en fait en orbite autour de la Terre pour pouvoir finalement utiliser toute l'énergie qu'on a emmenée pour se mettre sur une trajectoire autour du Soleil qui va nous emmener vers Mars. Et en gros, si on se basait que sur de la techno actuelle, faudrait construire une espèce de train spatial en orbite autour de la Terre qui pèserait en gros 2000 tonnes. Donc sachant que une Ariane 5, ça envoie 20 tonnes par lancement. Je vous laisse calculer le nombre de lancements. Et sachant que, typiquement, pour assembler un truc comme la Station Spatiale Internationale, on a mis 20 ans et que ça fait que 400 tonnes. Donc, en gros, un des problèmes qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de gros lanceurs qui peut nous permettre d'envoyer beaucoup de masse d'un seul coup. Du coup, à partir de là, il y a plein de solutions possibles pour résoudre ce problème. Soit j'essaye d'avoir une méthode de propulsion plus efficace, pour du coup réduire la masse que je dois avoir déjà au départ de l'orbite terrestre. Soit j'essaye d'avoir un lanceur beaucoup moins cher, réutilisable, et j'envoie tout en petites briques Lego, et puis je fais mon Lego en orbite avant de partir vers Mars. Et soit j'essaye d'emmener moins de trucs sur Mars pour être plus léger. Parce que là, le scénario que je vous dis, 2000 tonnes au départ de la Terre, en gros... ça inclut la propulsion pour y aller, la propulsion pour freiner, la propulsion pour redécoller, la propulsion pour atterrir, la propulsion pour redécoller, la propulsion pour repartir vers la Terre et la propulsion pour, la propulsion ou rentrer direct, en tout cas un moyen pour rentrer sur Terre. Donc à partir de là, on réfléchit à quelles sont les étapes où on pourrait s'économiser de la masse. Le premier truc, c'est déjà quand je dois emmener la propulsion qui doit me ramener, en l'occurrence les ergols, donc je sais pas, l'hydrogène, l'oxygène qui doivent me ramener, si déjà je dois les emmener, y a toute une partie du trajet quand même qui ne sert à rien, c'est un point mort que je trimballe et ça s'accumule de façon peut-être pas exponentielle, mais en tout cas ça fait que j'ai des masses énormes au décollage. Et donc si déjà j'utilise l'atmosphère de Mars pour produire de l'oxygène et du méthane. Donc typiquement l'idée c'est que j'emmène un petit peu d'hydrogène sur Mars et puis grâce au CO2 qui est dans l'atmosphère, je vais faire une réaction chimique, donc je vais avoir une petite usine entièrement automatique, hein. Alors il y a plein d'hypothèses de nouvelles techno. Une petite usine entièrement automatique qui va me fabriquer mon oxygène et puis mon méthane. Et puis là j'ai un véhicule de remontée quoi, avec son moteur qui est prêt... qui va être prêt, quand j'envoie les bonhommes, qui va être prêt à se remplir avec de l'oxygène, du méthane, et puis redécoller pour emmener les bonhommes. Donc déjà, super, premier truc résolu, j'emmène pas déjà la masse pour revenir. Donc déjà, je suis plus qu'à 1000 tonnes, à peu près, au départ de la Terre. Donc j'ai quasiment divisé par deux. Après, une des grosses difficultés aussi, c'est la propulsion que je vais utiliser pour freiner en orbite de Mars et pour m'insérer quand je suis sur mon orbite autour du Soleil, pour freiner, pour m'insérer sur mon orbite martienne. Et donc ça, il y a une idée qui est de dire, en fait, je vais faire de l'aérocapture. C'est-à-dire qu'en fait, je vais viser Mars, mais je vais viser suffisamment bien pour pas taper dedans, pour pas rebondir sur l'atmosphère, pour avoir une trajectoire qui va me permettre de frotter en fait dans l'atmosphère pour freiner juste ce qui va bien. Et puis, finalement, on va faire une rentrée directe, quoi. Donc ça, des boucliers thermiques qui sont quand même assez conséquents, mais qui pèsent beaucoup moins, finalement, qu'un étage complet d'hydrogène-oxygène que j'aurais utilisé à la place. Donc là, on va déjà passer peut-être à quelque chose comme... peut-être pas divisé par deux encore, mais on va aller sur du 600 tonnes, peut-être 600-700 tonnes en orbite autour de la Terre. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que déjà, on peut envoyer d'abord du cargo, donc d'abord le labo, le matos, l'usine automatique, etc., sur une orbite, sur une trajectoire là qui est lente. Donc celle-là, elle va me coûter moins en termes de propulsion. Et puis les bonhommes, par contre, eux, je vais les envoyer plus tard, à l'opportunité d'après, mais sur une trajectoire un petit peu plus rapide. Mais comme j'aurai que mes bonhommes, ceux-là, du coup, ça va me coûter un petit peu moins cher énergétiquement. Le fait de séparer en deux la mission, là, je peux arriver à peu près à 500 tonnes en orbite basse. Bon, là, 500 tonnes en orbite basse, on arrive à peu près à la taille de l'ISS. Et si j'avais une fusée Saturn V comme j'avais à l'époque Apollo, il m'en faut 5. Ça devient, c'est de l'ordre du possible. Mais là-dedans, j'ai quand même fait plein d'hypothèses de techno qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. L'aérocapture, une usine entièrement automatique pour produire un truc, des ergols sur place, quand on voit ce que c'est la base spatiale à Kourou. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, si on veut faire ça sans disposer d'un moyen pas cher, ou en tout cas, avec les fusées qu'on a aujourd'hui, concrètement, ça mettrait. C'est pas un projet réaliste. Il faut soit des fusées plus grosses, soit des fusées beaucoup moins chères, quoi. Soit des nouveaux concepts de propulsion. Bon, il va être temps de se quitter. Merci Elisa Cliquet, merci Roland Lehoucq. Excuse-moi. Excuse-moi Fabrice, je voulais juste apporter une toute petite précision qui pourrait s'apparenter à une forme de dénouement un petit peu à la Molière quelque part. D'où le son de mon nouvel instrument. C'était pour justifier un petit peu la forme de familiarité que j'ai pu avoir avec monsieur l'intervenant. Voilà. Quel final, c'était parfait. La force est vraiment avec nous, mais alors à fond. Hein. Ouais, très bien. Deux petites choses. Je vous précise que le 17 janvier, donc, c'est le corps à l'épreuve des voyages spéciaux. Spatiaux. Pas spéciaux. Pardon. Voilà. Et je vous signale aussi, pour ceux qui veulent en savoir encore plus, pour faire de la science avec Star Wars, que le livre de Roland Lehoucq est disponible via le site belial.fr en téléchargement gratuit. Alors c'est assez remarquable pour être signalé. Et donc vous retrouverez plein d'anecdotes autour de la science dans Star Wars. Voilà, merci. www.belial.fr. Et le titre c'est « Faire de la science avec Star Wars et Roland Lehoucq ». Oh. barre des sciences. Chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.